Okay. Et Galia, hein, oui. On le voit tout de suite, ressemble à n'importe quelle école, sauf que de plus près, on peut noter une petite différence. Exit Cendrillon, bienvenue au conte racontant l'histoire plutôt de couple de girafes adoptant un crocodile. Les classiques représentations de l'homme et la femme n'ont pas de place dans cet établissement. Donc, garçons et filles se retrouvent face à face à un tas de jouets qu'ils choisissent selon leurs envies et non selon leur genre. La directrice Lothar Radjaline souhaite offrir de plus larges possibilités aux enfants et je la cite... Nous voulons leur montrer que tout ce que la vie peut offrir, pas uniquement la moitié de ce que la vie peut nous offrir, justifie-t-elle. Les enseignants ne sont pas contre, comme l'explique Emeline Anderson, une jeune institutrice de 27 ans qui a été séduite par l'initiative. Et elle nous raconte que dans notre société, dès leur naissance, les enfants font l'objet d'attentes différentes selon qu'ils sont filles ou garçons. Cela les limite et pour moi, il n'existe pas de monde pour les filles ni de monde seulement pour les garçons. Excellent, c'est bien. Nous ne touchons pas donc à l'identité sexuelle et biologique. Sexuelle biologique, des enfants. Pour ce qui est des critiques de cette méthode accusée de brouiller les pistes de l'identité sexuelle des enfants, Lothar Radjaline y répond simplement « Toutes les filles savent déjà qu'elles sont filles et tous les garçons savent déjà qu'ils sont garçons. Nous ne touchons pas à l'identité sexuelle biologique des enfants, mais plutôt à la question sociale. » Donc, les avis des Suédois et autres spécialistes de l'enfant sont divergents. Certains pensent que le pays va parfois trop loin. Et je cite, les spécialistes des relations hommes-femmes ont convaincu des hommes politiques que la solution de leurs problèmes résidait dans la question de parité. On nous dit que c'est assez dangereux car ils gaspillent de l'argent et des moyens, regrette une blogueuse suédoise, Tanja Bergvist. Et elle rajoute, leurs intentions sont excellentes, mais je ne suis pas sûr qu'ils procèdent de la meilleure façon, juge maintenant Linda Blair, psychologue des enfants au Royaume-Uni. Et un autre nous raconte, c'est un peu artificiel, entre 3 et 7 ans environ, l'enfant est en quête d'identité et cela se passe indéniablement par l'identité sexuelle. Ben oui, puis d'un autre côté, c'est comme fermer les yeux sur des millénaires de tradition d'identité. Au fond, c'est un débat qui avait déjà été mis sur la table. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec des gens tout à fait sympathiques autour d'une table au Zénob il y a quelques semaines. Et puis moi, j'avoue que je suis d'accord avec la psychologue du Royaume-Uni, Madame Rose, parce que au bout du compte. Je pense que ça serait comme dénaturé. C'est pas juste une question là de choisir là. Il y a comme quelque chose de naturel. J'ai l'impression dans l'identité. Puis moi je sais pas. J'suis un peu réticent. J'ai comme un peu de difficulté à formuler exactement ma pensée. Mais moi j'aime. Mais j'ai la conviction profonde que c'est pas bien. Que c'est quelque chose à éviter. Okay. Étant donné, bon précisément, ils sont en quête d'identité entre 3 et 7 ans. C'est leur moment de leur donner des références, c'est leur moment de leur donner des modèles. C'est pas le moment de les laisser plonger dans un gruau identitaire. Moi, personnellement, je trouve que la directrice nous dit vraiment toutes les filles savent déjà qu'elles sont filles. Même à 3-7 ans, tu le sais, là. Ben, je veux dire, pas nécessairement, Dani. Ben non, mais c'est justement pas nécessairement. Donc, le choix sera pas influencé par les autres. Moi, personnellement, je suis pour ça. Je trouve que c'est bien. Mais moi, j'ai l'impression que c'est l'école, chez eux, c'est d'autres choses. Tu sais, tu comprends? Il va avoir l'occasion d'avoir des modèles masculins puis d'avoir des... Il y a tellement de stéréotypes dans la société. C'est pas la responsabilité de l'école Justement, c'est pas la responsabilité de l'école. Donc, elle reste complètement neutre. Mais j'ai pas l'impression qu'elle reste neutre. J'ai l'impression qu'elle veut simplement brouiller, asexuer, au fond. Non, au fond, c'est ça, c'est vers ça qu'on se dirige. Un jardin d'Éden, il n'y aura plus d'hommes, plus de femmes, plus de gens laids, plus de gens beaux, plus de gens gens jeunes, plus de gens pauvres. Moi, je trouve que la société est plutôt au contraire, je vais prendre un mot qui est laid, mais appétissante. Ben, la société qu'on vit, c'est au contraire, c'est plutôt, on veut, Ben moi, je trouve ça, justement, son initiative, je trouve que ça enseigne un peu c'est appétissant. Moi, je trouve que c'est son initiative qui l'est. Ça dépend de comment on le voit. Moi, je trouve, en tout cas. Parce que, non, puis j'ai rien contre, je veux dire, qu'une personne choisisse elle-même son identité sexuelle, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est vraiment... Puis pour moi, ça dépasse même le concept simple de la tradition. Pour moi, ça va plus loin que ça. Il y a quelque chose de fondamental dans l'être humain qui fait que, je veux dire, une femme, c'est pas pareil, puis ça va au-delà du sexe, ça va dans la personnalité. Charles-André, c'est justement, moi, il y a de quoi de fondamental. Pourquoi le garçon qui est élevé par deux pères homosexuels et pas nécessairement homosexuel? C'est parce que c'est fondamental. Il n'y a pas besoin d'avoir un modèle. Ça le laisse plus libre de décider Puis c'est prouvé à date, là, c'est pas parce que t'es élevé par un couple homosexuel que toi-même, tu vas plus tirer vers là. Là. Oui, mais... La seule chose, c'est que si tu te sens homosexuel, tu vas juste te sentir plus Mais pourquoi accepté. Des homosexuels élèveraient des enfants? Ça, ils ont juste à se mettre en couple avec une personne sexuelle. Là, c'est une autre question, mais c'est que dans notre société, ils ont le droit. Ils ont le droit. Non, c'est pas le droit là, que je questionne. C'est, je veux dire, c'est le bon sens de ça. Je veux dire. Je suis d'accord. Si tu veux une famille. Moi, personnellement, j'aurais pas voulu que mes parents soient un couple d'hommes homosexuels. Je suis d'accord. Mais je suis bien content. Je suis bien content d'avoir eu un des parents très traditionnels. Pourquoi? Parce que j'ai eu des valeurs. Des modèles différents. J'ai pu au fond choisir mes propres valeurs puis me forger une personnalité. Tandis que j'ai l'impression que Moi je trouve que ça laisse encore beaucoup le choix là. Tu peux vraiment te former t'as aucun. Ouais, mais pour forger sa personnalité, ça prend une palette de couleurs pour peindre sur un tableau. Je veux dire, ça prend des références, ça prend des modèles. En tout cas, c'est un long sujet. Tout ou aucune. En tout cas, la liste d'attente pour les inscriptions est très longue, mais Pia Kopi, artiste métallurgiste, et son mari Yuka, danseur et chorégraphe, sont parvenus à intégrer leurs deux enfants à Egalia. Leur entourage reste cependant dubitatif, même si le soutien est présent. Et je cite, des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit pensent que c'est du lavage de cerveau. Explique le couple Philippe Wang, professeur de psychologie à l'université de Gothenburg, préfère en sourire. Je ne pense pas que ça peut être mauvais, mais c'est pour le moins naïf, en sens que c'est typiquement suédois. Les Suédois ont tendance à penser que s'ils institutionnalisent quelque chose, le changement se fera de façon automatique. Mais lorsqu'il s'agit de questions profondément ancrées dans notre culture, il faut des générations et des générations pour que les effets perdurent. Donc, on voit que ça changera peut-être pas grand-chose. 11h55, on va aller avec une petite dernière... Est-ce que tu avais un mot à ajouter? Vas-y. Non, j'ai rien à rajouter. Okay. Ben, en fait, non, rien. Sauf que, je veux dire, je trouve que les nouvelles d'aujourd'hui sont tout aussi croustillantes sont qu'elles géniales, le sont à l'habitude. Hein? Ouais, exact. Mais là, je vais t'en sortir une bonne. Et puis, je te dis, je t'invite, on pourrait essayer le même truc dans la région. Avec une caméra, on peut tout faire. Un homme réussit à toucher 1000 paires de seins. Ah, ça, écoute. C'est comme un défi qui s'est lancé. Donc, Sam Nickel, un Russe, a réussi une drôle de performance lors de son séjour en Russie. Partant du postulat d'une poignée de main produite par un échange d'énergie conséquent, ce comique russe a réussi à convaincre 1000 femmes à se laisser toucher les seins, leur expliquant que le but était de serrer la main du premier ministre Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est toujours occupé par des affaires d'État et en plus, il est marié. Il n'a pas le temps pour la bagatelle, mais c'est aussi un homme et il ne peut pas se permettre de toucher les potentiels électeurs. Visiblement fan de leur ancien président, mais également un peu farouche, les jeunes femmes russes ont accepté de se laisser palper la poitrine en public devant caméra. Et Sam Nickel a donc touché et comptabilisé les paires de seins. Selon lui, 15 à 20% des femmes qui l'ont abordé l'ont laissé faire. Donc, deux filles sur 10 à peu près qui acceptaient. Puis les autres? Ben, ils acceptaient pas, tout simplement. Mais ils les ont pas filmés. Ils les ont pas touchés non plus, j'espère. Ben non, ils les ont pas touchés. Là, ça a arrêté un peu plus de problèmes, peut-être. Très amusant. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Maintenant, sois Stéphanie Gagné, voici ton plat favori. Bonjour Stéphanie. Allô les garçons. Hey, ça va? Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui! Hey, c'est vrai, ça fait longtemps que t'as pas parlé à François-Olivier. Eh oui! Ça fait un méchant bout de temps, là. C'est, je pense que la dernière fois, c'était, je pourrais dire avril, peut-être. Approximativement. Ouais, à peu près. Donc, Stéphanie, on sait que t'es pressée aujourd'hui. T'as un endroit où te rendre juste rapidement. État de ta vie, là, tu t'es enfin trouvé un emploi. Oui, enfin. Je vais commencer jeudi à travailler. Oui, parce qu'il faut rappeler aux gens que Stéphanie est rendue à Gatineau pour aller étudier. Donc, tu te cherchais un nouvel appartement pour commencer. Tu l'as trouvé, un nouvel emploi, tu l'as trouvé. Maintenant, ta vie est prête pour les prochaines années et ton argent est non existant aussi. Argent très non existant, mais à part de ça, ça va quand même bien. Je m'en vais justement à l'école tout à l'heure. J'ai un cours à 9h. Et les cours vont bien en général, comme ça, ouais? J'en ai juste eu deux à date parce que j'ai pas de cours jeudi, vendredi. J'ai juste eu les cours de mercredi à date. Pénard! Pénard! Hey, c'est où tu travailles en passant? Non. Ça va être chez Couche-Tard. Oh, OK. Tu vas pouvoir nous vendre des boissons énergiques d'une autre radio. Oui. Oui, exactement. Ouais. Bon. Donc, voilà pour ceux qui voulaient être au courant de ta vie, c'est fait. T'as un coup de cœur pour nous cette semaine à nous présenter comme à toutes les semaines dans ton plat favori? Oui, je vais vous parler du dernier album que je me suis acheté.

Hey, je pense que vous avez pris même ce thème-là cet été, hein? Ben oui, on a tout volé au complet. T'as bien fait, vous avez bien fait. Ça, c'est le genre à Mathieu, hein? Il ramasse tout. Un vrai petit écureuil. Ben oui, mais je me sentais seul, moi, cet été. Je me suis dit, je vais aller faire le scout de l'Internet. T'as bien fait. C'est merveilleux. Salut, Simon Fitzbé. Bonjour, messieurs, ça va bien? Oui, toi? Oui. Tu travailles fort, là, ici, à l'université, quand même. J'arrête pas. Ouais, qu'est-ce que tu fais, là? On veut savoir. Ben là, je travaille comme assistant de recherche. Okay. Je fais mes recherches sur mon mémoire. Ça arrête toujours pas. En histoire, ça, pour les gens. Exactement, ben oui. Puis il y a eu plein d'autres trucs aussi cet été qui s'est rajouté. Un été de fou. Bon, ça donne bien, c'est fou. Oui. Et puis, émission, qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette année? Une nouvelle émission qui s'en vient les lundis soirs à 20h. Je retrouve ma vieille place. Dans ta le vieille case horaire? Oui, toujours. Mais c'est une belle case horaire, ça. Oh, oui, vraiment, vraiment. Puis en plus, après Frédéric Durand. Exactement. Ah, ça va être vraiment génial. Oui, exactement. Et tu nous présentes quoi comme pensée? Fait, ou... ben oui, ben ça va être une émission qui va être autour de thèmes différents chaque semaine. On va parler de sujets, ça peut aller de la radio, tout simplement, okay. La première émission, à la mort. On peut parler du LSD aussi dans l'émission. On va parler de différents thèmes. On va essayer de trouver à la fois de la musique, bien sûr. Mais qui est associé un peu au monde de la musique. Avec les thèmes, tu m'as dit, qui est un peu associé au monde du rock, de la musique. Oui, exactement. Puis on va essayer aussi de trouver des articles scientifiques, des trucs intéressants aussi qui pourraient être présentés pour expliquer un peu plus en profondeur cette chose-là. Ben, bonne idée. Oui, vraiment. Et le nom de ça, c'est-tu sorti? C'est pas encore. OK. C'est encore un brainstorm. Mais donc, lundi prochain, c'est prêt? Pas lundi prochain, l'autre semaine d'après. Je me donne une semaine là, pour vraiment tout monter, pour être prêt là, puis arriver en puis venez me voir, puis qu'on monte des trucs. Oui, exactement. Okay. Monter des pubs, des thèmes, des choses comme ça. Super. Puis, c'est ça. Donc, ça va être les lundis à 20h. Et je vais aussi avoir album classique tout juste avant Rock juste Classique. Juste avant Rock Classique. Vendredi. Donc, parfait. Votre duo classique. Très, très rock et très classique. Ouf! Et ensuite, côté Internet et Interweb, qu'est-ce qui se passe? Côté Internet, donc, une semaine quand même intéressante. En fait, une journée intéressante pour ce qui est, entre autres, de Yahoo, qui serait peut-être en vente. Oh! Peut-être que... Selon... Ben, c'est quand même gros, Yahoo, là. Oui, ben, c'est moins gros. Un peu moins ici, mais dans certaines places. En Europe, ça marche beaucoup, en Yahoo. En Europe, c'est très fort. C'est un site de nouvelles aussi, en plus d'un moteur de recherche. Ben, chez nous, Google marche pas. Fait que Yahoo est très fort chez nous. Comment ça, Google marche pas? J'ai pogné un genre de malware, puis... Change de furteur Internet, ça va marcher. Non, j'ai changé. Ouais, j'ai été vers Chrome, puis ça a pas marché. Même avec Chrome, ça fonctionne pas. Puis même quand je fais des recherches dans barre d'adresse, là, ça me fait 404 not found. C'est bizarre. Vraiment désagréable. Sans Google, ma vie est devenue Mais ben juste pour dire, important. Ici, Yahoo ben, nous fournit toutes les nouvelles insolites. En partant, pour le dîner de cons, on est plugué sur Yahoo. Et puis, je les remercie parce qu'ils nous sortent une sélection assez incroyable. Et puis, ils sont très, très rapides. Ils sont aussi rapides que les sites anglais ou pratiquement anglophones. Ouais. C'est pour ça que j'aime ça. Les nouvelles sortent autant aussi rapidement. Ça sort extrêmement vite. Et d'ailleurs, donc pour ce qui est de Yahoo, en fait, aujourd'hui, la PDG a été renvoyée. Carol Bartz, oui. Sûrement avec une bonne prime de départ, par exemple. Probablement, oui. Ça n'a pas été nécessairement... si triste. Gay, mais c'est pas triste pour elle. Elle avait été engagée en 2009 pour remonter un peu Yahoo, puisque c'est en baisse perpétuelle. Compagnie qui existe depuis 17 ans, donc ça a été un des premiers furteurs de recherche qui a été créé. Et ça va de moins en moins bien pour Yahoo. On dit que la valeur a baissé. Entre autres, Microsoft avait essayé de l'acheter en 2008 et évaluait Yahoo à 44,6 milliards de dollars. Et maintenant, en bourse, Yahoo vaut 17,9 milliards de dollars. C'est beaucoup moins. Oui, c'est plus que la moitié moins. Donc, c'est vraiment dommage. Et on dit que ça serait à cause de la concurrence, entre autres, de Facebook, mais aussi Google et autres entreprises Internet. Donc, qui Yahoo est aussi propriétaire de Flickr. Si vous connaissez Flickr, c'est eux qui tiennent ça aussi. Oui, c'est une très bonne valeur. Ça fonctionne. Ça, je pense que c'est à peu près la valeur qui vaut le plus dans Yahoo parce que c'est le site des photographes. Là, exactement. Plus que juste amateur. Là, ça, pourrait encore intéresser justement Microsoft, justement avec Flickr, mais aussi Yahoo parce que Bing, leur propre système de recherche qu'ils ont mis en place après avoir justement tenté d'acheter Yahoo, ça n'a pas nécessairement levé comme si ça lève pas Bing. Puis en plus, on essaye de le placer dans les films, dans les émissions de télé, ça n'a pas de bon sens. Le placement de produit. Qui est fait. C'est même pas classe, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est un peu grossier comme placement de produit. Mais bon, en tout cas, ça fonctionne pas. On essaie. Hein. Quand c'est rendu qu'un acteur, en fait, dans une série, t'es obligé de montrer son écran à quelqu'un, puis là, il y a Bing qui montre une destination, quelque chose du genre, là, ça fait vraiment dur. Mais on pourrait intégrer Yahoo à Bing et changer le nom et tout ça, et ça serait probablement mieux. Donc, on ne sait pas encore ce qui va arriver. C'est pas officiel qu'ils sont à vendre. C'est des rumeurs fondées. Mais si quelqu'un a été mis à la porte, comme tu dis, peut-être... Ça peut occasionner des changements dans une entreprise. Exactement. C'est comme Apple qui va être racheté par Google. Mais non, c'est pas vrai. Par Bill Gates. Par Bill Gates, ouais. Maintenant, la Chine renouvelle la licence d'exploitation de Google. Puisque, okay. Bon, c'était en litige depuis pratiquement un an, plus d'un an, je crois, la licence de Google qui avait passé, qui avait expiré, en fait, et il y a eu des problèmes de censure au niveau de Google en Chine, et on voulait plus nécessairement, Google voulait plus que ça soit censuré. Et... donc, ils ont décidé finalement de renouveler la licence pour 2011. J'imagine que ça va aller jusqu'à l'année prochaine et il va falloir encore qu'elle repasse devant les autorités chinoises. Mais vous pouvez maintenant réaccéder à Google China. Ah! Et vous faire bloquer plein de sites, dont les sites de Radio-Canada et les blogs de Richard Martineau. Mais ça, c'est peut-être pas nécessairement une mauvaise chose. C'est peut-être pas une mauvaise chose. On a peur aussi maintenant que les voitures soient à la merci des pirates. Je sais pas si vous avez beaucoup de puces, vous, dans vos voitures. Non, c'est, moi, c'est j'ai une récent, voiture à 2001, ouais, moi aussi, une petite barouette, une Kia Rio. C'est pas un gros processeur qu'il y a là-dedans, mais c'est, en fait, on dit que les voitures sont de plus en plus intelligentes et on a peur maintenant que les hackers viennent s'insérer dans vos voitures. Mais tu sais, la gang de OnStar avec GM et tout ça, ça, ils peuvent démarrer, ils peuvent repartir ton char. Exactement. À distance. Donc, ça, si des hackers rentrent là-dedans. Ça doit être un réseau assez bien sécurisé, mais en même temps, là, on n'est jamais. Ben, tu sais, il y a des réseaux très sécurisés qui ont été hackés. Exactement. C'était quasiment juste le défi pour les hackers. Ça lui fait plaisir. Exact. Bien souvent, c'est ça. C'est des défis. Eux autres font pas nécessairement ça pour mettre la vie des gens en danger. Non. Surtout lorsque c'est une voiture, tu sais, je veux dire, on va pas nécessairement envoyer un char. Éteindre la voiture sur l'autoroute, ça doit être assez poche. En plus, avec les fonctions GPS d'une voiture maintenant, c'est et OnStar et tout, on peut la suivre par GPS. C'est pratiquement comme jouer à Grand Theft Auto, là, c'est-à-dire que tu vois le char des airs. Ça va peut-être être un jeu dans le futur pour les... Un jeu de fucked up, ouais. Tu vois une voiture qui est parquée, tu pars avec, puis tu fais une joyride électronique. Maintenant, je vous demanderai pas si vous allez voir des sites pornographiques, là, parce que c'est pas déjà arrivé. Chose qu'on parle. Hein. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. J'ai eu un œil là-dessus. J'en ai déjà gardé un en ce moment. Ah, c'est ça qui fait shaker à table. Mais en fait, c'est que l'adresse .3x est maintenant disponible. Oui, combien qu'on la vend? Ça, je l'ignore. Par contre, il est pas nécessairement... Donc, www.xxx.com. Oui, exactement. Ben, en fait, non, pas .com, .xxx. Oh, l'extension... Ouais, l'extension. www.ledinetcon.xxx. www.dannyjanvier.xxx. Ah, ça, c'est merveilleux. Donc, ça fait déjà plusieurs années. OK, c'est l'extension qui existe. Qui est maintenant disponible. Et ça fait plusieurs années, en fait, que les gens font la demande de ça. Surtout, bon, des groupes de tempérance et les maires contre la pornographie, des choses comme ça, qui font la demande d'avoir... Les MAD. Les MAD, oui, exactement. Et ils veulent avoir, c'est-à-dire, une façon de classer, si on veut, les sites pornographiques. Ben, ils sont sûrs comme ça. Oui, ben, c'est une meilleure façon pour interdire les sites aux enfants, justement, avec des... Ben, c'est que ça serait plus facile aussi, genre, dans le furteur qui détecte, il veut pas aller, il ira pas vers des points XXX. Exactement, exactement. On sait pas, par contre, si l'industrie pornographique qui va déjà très mal va migrer vers le point XXX. Ça pourrait leur couper des clients, ça pourrait leur en emmener également. Mais ça va être bizarre. Ouais. Puis en même temps, je pense que l'industrie en tant que telle va-tu vouloir être bloquée puis être saisée comme ça? Là? Exactement. Parce que à ce qui paraît, ça va très très mal à ce niveau-là, au niveau des ventes de DVD, mais tout est piraté maintenant. Ben, c'est parce que maintenant, la pornographie, c'est gratuit. C'est ça. Et c'est comme la musique, c'est comme le cinéma. Tout est piraté, tout est sur Internet, tout se trouve, tout est gratuit. Donc, tout le monde perd de l'argent. C'est dommage pour ces jeunes filles qui essayent de payer leurs études. Exactement. Puis. Et leurs études en travaillant très fort. De façon si saine. Si noble, si naturelle. Ben oui. Des fois, c'est pas trop naturel. Ça dépend. Mais ça va être intéressant quand même de voir si ça va fonctionner parce que ça aurait pu être fait il y a plusieurs années. Ça n'a pas été fait. Donc, je sais pas. Honnêtement, là, j'ai aucune idée si ça va vraiment fonctionner. Mais bref, plus de sites vont être disponibles pour les gens qui sont intéressés par ça. Ou bien une extension qui peut être juste drôle. Comme moi, j'ai biobazar.tv, c'est de la musique. Je pourrais prendre .xxx, puis c'est juste drôle. Ça, c'est commercial, ça se vend bien. Genre. Exactement, oui, c'est mieux que .com. Ça paraît bien. .qc.ca. Ça fait différent. Exact. Maintenant, Dell qui décide de s'allier au moteur de recherche chinois Baidu. Dell a annoncé mercredi qu'il s'alliait avec le leader, les moteurs de recherche en Chine, bien sûr, pour les aider. Baidu, qui est meilleur que Google et Yahoo en Chine, parce que, c'est un contenu exclusivement chinois. Et on dit qu'il y avait 485 millions d'internautes en Chine à la fin du mois de juillet. Et le nombre d'utilisateurs de téléphones portables était de 930 millions plutôt. C'est incroyable, vraiment, les chiffres viennent de là-bas. Oh, oui. Donc, on dit qu'entre autres, 87 millions des gens ont des téléphones de troisième génération. Et donc, Baidu est vraiment le plus visionné dans le monde, dans un seul pays. C'est quand même assez incroyable. Il bat les records, mais seulement avec son pays. Exactement. Et Dell va pouvoir donc s'aider et aider Baidu donc avec ça. Parce que, bon... Dell continue à faire des bons ordinateurs, mais Apple prend de plus en plus de place. Donc, ouais. c'est de plus en plus difficile de compétitionner. Et ouais, moi personnellement, acheter mon ordinateur, sur le net, comme ça, faire commander mon Dell, c'est pas mon genre. Non, c'est ça, ben c'est vraiment rendu juste ça. Il y a eu une période c'est qu'on pouvait en acheter en magasin, mais là, ça a beaucoup baissé. Ouais. Et c'est-à-dire les offres de services aussi ont baissé. Parce que les bons modèles Dell sont en ligne. Tu sais, tu vas pouvoir déjà t'en trouver, mais il va être dépassé un peu. Exactement, exactement. Et tu peux avoir de très bons Dell, mais moi, en même temps, je déteste Windows. Donc, ça va mal avoir un ordinateur. Le 7 est pas si mal, sérieusement. Moi, oui, le 7 est bon. Windows 7, là, moi, j'ai été vraiment. Ça m'a un peu réconcilié avec Windows parce que. Il est vraiment bien fait. Il y a des outils vraiment intelligents. Il y a des trucs que même Apple va devoir s'inspirer. Là. Ouais, ben ça a déjà commencé. Ça. Ben c'est ça. À cette heure, t'as des apps pour faire comme Windows. Là. Ouais, c'est ça. On s'inspire mutuellement de ce côté-là. Ouais. D'ailleurs, le dernier Linux aussi qui est sorti, le dernier Ubuntu, en fait, c'est un système d'exploitation sur base Linux. Ça rapproche beaucoup de Windows 7. Okay. C'est assez spécial au niveau graphique. Mais bon, tu peux tout changer pour que ça ressemble à un Mac ou à n'importe quoi, mais... À la base, il ressemble au 7. Ouais, quand même. Depuis peut-être 2-3 versions, là, c'est beaucoup changé. En tout cas. Graphiquement, c'est plus bon un Linux que Windows, honnêtement. Oh, ouais. Malgré que les couleurs soient LED, là, tu peux faire des trucs graphiques assez géniaux. On n'en marquera pas là-dedans. Justement, parlant de PC, savez-vous que la moitié, ou plus de la moitié même des usagers de PC utilisent des logiciels illégaux? Ah. Hein, surtout pour les PC. Sur Mac aussi, par exemple. Ouais, sur Mac, il y en a. Autant. Mais c'est, non, il y en a autant. Ils ont toutes les mêmes. Ben, il y en a qui les ont, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de fans qui vont acheter les trucs Mac. Ouais. Beaucoup plus. Et maintenant, avec l'App Store... Vraiment les gens riches, là, peut-être. Là. Ouais, ça, c'est sûr que si t'as de l'argent, tu peux aller t'acheter. Ça te dérange pas de t'acheter... Du montage vidéo, des trucs comme ça, des programmes qui coûtent 6 000 $, là, à un moment donné, tu vas les pirater. Là, c'est ça, normal. Chez les Mac, ça dépend. Vraiment, il y a des logiciels piratés, mais on dirait que c'est comme plus compliqué et c'est plus underground. Non, c'est le contraire. C'est beaucoup plus facile parce que t'as pas de céréales, installe et tout est beau. Il y a plus de gens qui ont Windows qui vont pirater parce que c'est plus accessible aussi. C'est-à-dire, tu te promènes dans la rue, tu demandes une copie d'un programme, quelqu'un qui va l'avoir. Ben moi, le lendemain que Lyon est sorti, je l'avais puis il était gratuit. Ouais, puis aucun céréal, aucun rien. Ah oui, non, ça c'est parce que c'est tellement contrôlé du côté d'Apple que quand il y a des sorties comme puis ça. Puis regarde les sorties, mettons, ils sortent le iLife, n'importe quoi, il n'y a jamais de céréal installé. C'est un DMG, tu cliques, ça s'installe. Ça risque de changer éventuellement. C'est peut-être plus les ordinateurs d'Apple vont être populaires, plus ça va être contrôlé. Ben c'est ça, mais c'est pour ça que je t'ai dit peut-être les plus riches. C'est qu'à la base, des gens plus aisés avaient des Macs et ça lui dérangeait comme moins d'acheter le logiciel. Mais les mêmes logiciels sont disponibles partout. Effectivement. Et puis beaucoup plus facile à craquer parce que t'as pas de keygen, je te le dis. Moi, j'en ai tellement installé de trucs. Non, mais j'ai pas dit que je les ai gardés, c'était pour tester. Ah, pour tester, effectivement. Ben oui. Ben oui. T'as le droit d'essayer si t'aimes le logiciel avant, ça fait que c'est normal. Ça, c'est vrai. Mais bref, on dit que surtout en Chine, il y a de plus en plus de piratage qui se fait au niveau des programmes, mais un peu partout. Moi, je me rappelle à l'époque, j'ai jamais payé pour un programme sur mes ordinateurs à part quand je l'ai acheté. Après ça, la plupart des programmes étaient apportés à gauche et à droite et on avait prêté, ouais, exactement. Toi aussi, tu testais finalement. Ouais, c'est ça. Beaucoup de jeux à l'époque qui étaient beaucoup plus faciles à craquer que maintenant. Et d'ailleurs, on dit que les jeux en cloud viendraient contrôler justement ce piratage-là qui se fait. Mais ça fait un côté vraiment mauvais pour les. Je discutais avec Mathieu Plante justement des activations maintenant par Internet. Mm-hmm. Tu t'achètes un jeu, il faut absolument que tu aies une connexion Internet pour pouvoir y jouer. Ouais. Puis si tu revends ton jeu à l'usager, ben, je pourrais pas y aller. Non, exactement. Je peux plus l'activer. C'est... Il a déjà été activé. Ouais, c'est atroce. Je trouve. Il va falloir qu'il trouve une façon de contourner ça parce que j'ai le droit de vendre mon jeu usagé. Ouais, effectivement. J'ai le droit, je l'ai acheté. J'ai pas piraté. Là, je l'ai acheté. Puis même, ils ont pas besoin de se faire deux fois. Ils ont déjà fait leur argent avec le premier vendeur, premier acheteur. Mais c'est comme les SACD aussi à l'époque, là, c'est-à-dire les disques qui étaient pas SACD, ouais. Les disques qui étaient copy control, là, que tu pouvais juste faire trois copies. Mais as-tu vu, ça a pas fonctionné. Non, c'est ça. Si tu revendais ton disque, tu pouvais plus pendant tout le copier. J'ai repris ma vieille copie d'un album de Paul McCartney que j'avais acheté en 2005. Et il y avait justement un contrôle des copies. Là, tu vois, tu peux le copier jusqu'à 3 fois et c'est non compatible avec le iPod et tout ça. C'est vraiment incroyable. C'était compliqué un peu. Ils se sont tirés dans le pied, par exemple, avec ça. Ah, je oui, trouve, incroyablement. Incroyablement. Mais il y a des versions qui se trouvent un peu partout parce que tout se trouve sur Internet. Exactement. Tout est gratuit maintenant. Même la pornographie. Oui, et surtout la pornographie. Oui, surtout. Je te dirais. Et pour terminer, en fait, on peut parler du cybercrime. Le cybercrime où on dit que 7 millions de Canadiens sont victimes du cybercrime et on dit plus d'un million de gens sont victimes par jour. Par jour? Ouais, dans le monde, on s'entend. Oui, ouais, mais c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, effectivement. Cybercrime, ça coûte cher, ça frappe fort et selon les plus récents rapports en fait, de l'éditeur de logiciels de sécurité Norton, il en coûte environ 388 milliards de dollars à la société en pertes financières et pertes de temps, donc à cause des piratages qui sont faits. Mais par combien de temps? Tu sais, tu me dis 300 quelques milliards sur... Par année. OK. Par année. Donc, c'est quand même assez incroyable. Oh, oui. Oui. On dit que, entre autres, au Canada, c'est 840 millions de dollars pour près de 70 % des Canadiens qui sont victimes de cybercriminalité. Donc, c'est énorme incroyable. Parce qu'on n'est pas beaucoup là au Canada même. C'est ça, exactement. Mais on est mal protégé toujours. Et, ça, c'est clair. C'est les gens qui vont... Mais c'est encore mal fait, la protection. Oui. Comme juste, c'est con, mais un routeur, OK? Mm-hmm. C'est mal fait. La protection, le code, quand tu veux le sécuriser, là. Oui. Moi, quand mon routeur est sécurisé, il y a genre sur 4 ordi, il y a un qui est capable d'y aller dessus. Il y a tout le temps des problèmes. Fait que c'est pour ça que les gens les laissent souvent débarrer. Exactement. Parce que t'as comme pas le choix si tu veux pouvoir l'utiliser facilement, tu sais. Parce que moi, toutes les fois, j'ai mis un code dans le routeur. Ben, je te dis, il y avait sur 4 ordi, il y en a un qui marchait, puis des fois, il marchait pas, puis il y avait des problèmes. Non, ça va pas super bien au niveau des routeurs encore. C'est pas tout à fait. Entre autres, là, je sais pas si ça explique une partie du problème, mais quand je navigue sur une connexion non sécurisée, j'ai accès à Google. Puis c'est quand je suis sur la connexion sécurisée que j'ai pas accès à Google. De chez vous? Mm-hmm. Ben, tu sais. Ah, c'est peut-être ton routeur ou en tout cas quelque chose qui a été installé. Probablement. Dans ton réseau, ouais, surtout, c'est ça. Ouais. Ou il y a peut-être plusieurs problèmes aussi. Mais c'est con, mais c'est comme hier, on écoutait, j'étais à la télé, on écoutait V en direct. Okay? Tu peux écouter la télé, exactement la même chose que tu écoutes dans ta télé. Mais sur Chrome, si je me rappelle pas, le bouton direct, il est pas là. Ah, il est là, mais tu passes dessus. Pis il est pas actif, tandis que mon garçon était là, hey, ça marche pas, tu dis comment qu'on fait? Ben, j'ai dit, clique sur direct, ben, il dit, je peux pas. Fait que j'ai ouvert dans Chrome, ça marchait pas, effectivement. J'ai ouvert dans Safari, y a pas de problème. Ou dans Firefox, il l'ouvrait, y a pas de problème. Il est pas optimisé pour Chrome encore. Non, c'est ça. Il a fait le travail de ce côté-là. Fait que tu sais, c'est un peu, gars, ça peut arriver, Google, des fois, ils sont difficiles. Oui, effectivement. Ils sont tellement efficaces que des fois, c'est pointu. Mais des fois, je pense pas nécessairement, dans ce cas-là, de V, je pense pas que c'est leur faute à V. Parce qu'ils n'ont pas optimisé pour Google. Exactement, Chrome. Ils sont peut-être en retard un peu. Ils ont eu un travail qui a été fait il y a un an et ça n'a pas été updaté. Je sais pas. Bon, c'est pas pour. Pas la raison, sur ouais. Site, mais donc ça peut être n'importe quelle excellent raison. Site en passant, site de V, là, vraiment. Tu sais qu'on peut écouter toutes les émissions en rediffusion. Puis live, tu écoutes comme à télé. Fait que si tu veux, tu n'as pas de télé, puis tu peux écouter les nouvelles. Tu peux écouter. Tu sais, c'est quand même bon. Bonne alternative. Moi, j'attends que TVA fasse ça. Ah, ben moi, s'ils le font, j'irai jamais. Parce que TVA, c'est vrai. Ah, c'est, ben, c'est pour vrai. Ça que je l'écoute pas. Tu fais bien. Moi non plus, j'écoute pas ça. Mais moi, pour vrai, j'ai aucune honte à dire que j'écoute V, pour vrai. Et TVA, j'aurais la honte d'écouter TVA. Il y a du bon matériel sur V, une fois de temps en temps. Ah, il y a presque parfait, de plus en plus, j'ai trouvé que leur programmation s'améliorait de façon constante. Puis, tout à fait. D'ailleurs, avec Jean-François Mercier, là, qui est rendu le king de V, on s'ennuie pas maintenant. Non. Maintenant, MC Gilles, avec son émission, qui commence demain, oui, je pense. C'est de MC Gilles que je parlais hier, quand que je cherchais le DJ qui fait passer plein d'affaires Mais c'est MC Gilles, demain, il commence son émission à V. Et c'est hot parce qu'ils ont donné vraiment carte blanche. Ils ont dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ils voulaient absolument, parce qu'il fallait qu'il tire de Radio Canne quand même. Hein? Il s'était fait une place avec Infoman, mais oui, bon. Effectivement. Ça, il va être en compétition, je pense, avec Infoman, le même soir. En fait. Ben, il va être en même temps. Ouais. Jeudi soir, genre 7h30 ou 7h, 7h30. C'est un peu dommage, ça, par contre. Mais c'est un peu dommage pour V, parce qu'Infoman est trop big. Là. Ouais, moi, je vais continuer à écouter Infoman. J'irai l'écouter en rediffusion, s'il y a c'est quoi, ça. Mais moi, je suis vendu à Radio-Canada de toute façon. Mais ce qui est le fun avec V, c'est qu'il invite vraiment les gens à l'écouter. Ça... Moi, je pense qu'ils vont vraiment avoir pris le virage avant tous les autres. Internet, Radio-Canada est déjà beaucoup présent sur Internet avec. Mais tu peux pas écouter en direct. Oui. Ah oui? Ouais, tu peux écouter en direct. Ah. Le seul qui est vraiment dommage, c'est que tu peux plus écouter RDI en direct. OK. Ça, c'est vraiment dommage. Ah, je pensais pas. Il y a longtemps, il y a 2-3 ans, okay. Tu peux écouter RDI directement sur le site. Moi, j'avais pas de télé. Tout ce que j'écoutais, c'était RDI. Sur, ben, c'est sur le fun. C'est le fun d'écouter les nouvelles. Des fois, quand t'arrives à travailler. Exactement. Quoi. Et là, maintenant, RDI est plus accessible, mais on peut écouter toutes les émissions là, qui jouent à Radio-Canada en même temps. C'est bien, ça va. On peut écouter le téléjournal Mauricie sur le site Internet de Radio-Canada en direct. Ça, c'est merveilleux parce qu'on le sait, avec les super satellites, il n'y a pas de nouvelles locales. Non, c'est ça. Exactement. On a des nouvelles de Rimouski, mais pas de Trois-Rivières. C'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est supposé arriver, ça. Ben, c'est supposé, mais juste avec TVA ou Radio-Can. Il y en a juste un des deux. Okay. Il n'y aura pas les trois postes régénéralistes, ce qui est ridicule. Quoi. Moi, en tout cas, être un employé de ces postes de télé-là, je ferais pression. Parce que tu veux au moins... Hey, ta famille, si tu veux, ils veulent t'écouter, n'importe quoi. C'est exactement. Oh, oui, c'est vraiment dommage. Ça, mais il y a des distributeurs câblés. Oui, les distributeurs câblés, ça marche. Deutron, Cogeco, tout ça fonctionne. Mais dès que tu es par satellite, il n'y avait aucune possibilité d'avoir les nouvelles locales. Effectivement, c'est vraiment n'importe quoi. Mais merci, Simon. Mais c'est merci fini. Merci à vous. Oui. Ben, superbe, c'est super. C'est super. C'est super. Comme dirait une vieille madame du Saguenay, c'est super. C'est super. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis. On va transitionner relativement rapidement comme ça vers une chronique que je crois que tu vas aimer. Que j'adore à chaque jour. Que tu adores à chaque jour. Est-ce que tu l'aimes plus à chaque jour ou tu dirais que c'est pas mal pareil tout le temps? Ah non, il y a des fois que je l'aime pas du tout. Cool. Ben non, c'est vrai. Voici, c'est cool. Un fait. Oui, c'est très cool. C'est cool FM. Kick FM. Kick FM. Running gag d'il y a un an, il va rester longtemps. La chronique, c'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables ici à Assemblage requis, bien évidemment. Et je crois que, François, il y a des faits qui vont t'intéresser. Pour commencer, celui sur la bière. On parlait un peu plus tôt dans l'émission de Pabst Blue Ribbon. Oui. Qu'est-ce que toi, t'aimes ça, cette bière-là? Ben, j'aime ça, en fait. T'en bois? J'en bois, ça arrive. T'arrives avec ta caisse de Pabst Blue Ribbon à la maison. Puis on s'assoit et puis on festoie. D'accord, parfait. Savais-tu qu'en Chine, c'est une bière de qualité, de la Pabst Blue Ribbon, comparée à la version originale? La version originale, c'est de la bière, on s'entend, de la bière pas chère. Oh, ouais, c'est bon. Ça se boit tout seul, c'est de la bière pas chère, bon, c'est bon. En Chine, par contre, c'est une bière, j'utiliserais le mot français, fancy. Fancy? Ouais. Donc, PBR s'appelle Pabst Blue Ribbon 1844, 1844. Et les publicités disent que c'est un spiritueux célèbre partout dans le monde. C'est comme ça qu'ils font le marketing. C'est un spiritueux. Ooh. Et ça coûte 46$ par bouteille, François. Et ta parouette. Combien tu payes pour une caisse de Pabst Blue Ribbon, voire 15$? Ouais, à peu près. À peu près ça. Pas cher, mettons. Non, pas cher, donc, pas cher. En Chine, la PBR 1844, appelons-la par son nom un petit peu plus court comme ça, est un petit peu plus fancy, comme on disait. On dit qu'elle a été âgée. Âgée, comment t'appelles ça? Vieillie ou gardée longtemps? Vieillie. Dans des barils de bois, okay. C'est ce qu'ils disent, et qu'on lui donne sa saveur dans une flûte de champagne. Donc, tu verses ça, je mets ça dans une flûte de champagne et tu bois ta Pabst Blue Ribbon. Allez, allez. Ah, vas-y. Changeons de sujet. Savez-vous que 90% des hackers sont des garçons, des hommes? Moi, ce fait-là, je le prends plutôt à l'envers. Je suis impressionné qu'il y a 10% de filles qui sont hackers. Tant mieux. Ouais, ouais. Mais 90%, moi, je m'attendais à 99%. Ouais, ouais, moi aussi. C'est quand même impressionnant. On parlait de drink, là, d'alcool. Savais-tu que le Snapple Apple, Snapple aux pommes, là, mm-hmm. ne contient pas de pommes dans ses ingrédients? Aucune pomme. Ah. Devine qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est un autre fruit, juste pour te donner un indice. Qu'est-ce qui goûte comme les pommes un peu, mettons? Ou pas du tout? Je sais pas. Des poires. Des poires. Des poires. Tout à fait vrai, c'est l'ingrédient principal du Snapple aux pommes. C'est des poires. Voyons. Des pears. Des pears. Ouais, tu payes sa belle, paye sa chasse. Donc, apparemment, le goût des pommes authentiques, ça goûte pas assez les pommes, selon Snapple. C'est ce qu'il dit, ça goûte pas assez les pommes. Mais oui. Donc, ils utilisent sa cousine, la poire. Mais on se demande alors pourquoi est-ce qu'on peut appeler ça du Snapple aux pommes? Pourquoi est-ce qu'ils ont droit légalement d'appeler ça du Snapple aux pommes? Eh bien, parce que c'est pas du jus de pomme, c'est écrit dessus, c'est une boisson. Une boisson. Oh. Boisson aux fruits. C'est de même les règles de la chose. Donc, ils ont le droit d'appeler ça un breuvage ou une boisson au jus. On dit en fait qu'une boisson au jus ne doit inclure qu'aussi peu que 5% de vrai jus pour mériter ce titre-là. De vrai jus, mais peu importe lequel. Okay. Okay. Alors, il y a une autre règle pas si stricte que ça, c'est que pour faire du jus de fruits en tant que tel, pour appeler ça du jus de fruits, ça a besoin de seulement 10%. Je savais pas que les règles étaient aussi moi non strictes, plus, non? C'est quelque chose. Donc, Snapple aux pommes, c'est en fait aux poires. Hein? Voilà. J'ai toujours de la difficulté avec poire et pêche en anglais, peach et pear. Pourtant, c'est tellement pas pareil du tout, mais on dirait que pear, on dirait que ça me donne l'impression que c'est une pêche, mais pêche et peach, t'sais. Comme la princesse Peach. Oh! Allô, princesse. Dans Mario Bros. Ouais, exactement. Faut le dire. Savais-tu que le mot goodbye, tu sais, on dit tout le temps goodbye. Goodbye. Goodbye. Bon. Non, s'il vous plaît. Quand même, hein. Ça vient de goodbye. Hein? Ah oui. Et ça veut dire God be with you, que Dieu soit avec toi. Donc, dorénavant, moi, n'utiliserai plus l'expression goodbye. Jamais. Goodbye. Savais-tu que l'Union soviétique a fait des expériences? Ils ont essayé de ramener des chiens à la vie. OK. Ouais, en 1939. Ouais. Les biologistes russes, d'accord? Biologistes russes ont fait des expériences sur des chiens en enlevant complètement leur sang. Complètement. Ils ont enlevé le sang des chiens. Ça a fait arrêter leur cœur, d'accord? Ensuite, ils ont ramené le sang dans le chien. Et ils les ont ramenés à la vie. Ils ont recommencé à respirer, à faire aller leur queue et à japper. Ils ont même filmé une de leurs expériences de chien et ont révélé ça à des scientifiques aux États-Unis en 1943. Ça n'a pas fonctionné. C'est non, ça ne doit pas avoir un nom. J'imagine que je pense pas que ce soit quelque chose qu'on fasse de façon très, très fréquente. Tout ça. Ouais. Ah, OK. Nouvelles sur des criminels. Des nouvelles de justice, si on veut. Un voleur trouvé coupable. Un voleur de 416 livres. Le gars pèse 416 livres. Il n'a pas volé 416 livres. Pour mettre la phrase à l'endroit ici. Le gars pesait 416 livres. Il a été relâché de prison le mois dernier parce que dans un line-up policier, tu sais, quand on met plusieurs criminels à côté d'autres pour faire identifier, il n'y a pas d'autres personnes obèses. Fait que c'est... Le gars était obèse, puis les témoins avaient vu un homme obèse, fait que c'était lui. C'était pas lui, tu comprends-tu? Il était pas obèse, le voleur était pas obèse. Le voleur était pas obèse, mais le gars était obèse dans le line-up. Ah oh, ben. Il a été trouvé coupable, mais dans le fond, il était pas obèse, le gars, le voleur. Le vrai obèse. T'sais, tu comprends-tu? Un peu. Un petit peu. Il était relâché parce qu'il était obèse, puis qu'il aurait pas dû être obèse, parce que le criminel, il était pas obèse. Bon. OK, un homme a gagné, a pris 150 livres pour essayer de ne pas mourir à la chaise électrique. OK? Oh, pour... Oui, Donald Snyder a passé du temps à Sing Sing, à prendre du poids. Il espérait devenir trop gros pour entrer dans la chaise électrique. OK? Pas parce qu'il pensait que le choc allait pas le tuer parce qu'il était gros et la graisse allait absorber le choc. Là. C'est pas ça. Il pensait pas pouvoir s'asseoir physiquement dans la chaise. T'sais. Donc, il a pris 150 livres pour finir par arriver à au-dessus de 300 livres. Bref, il était tellement confiant. Il avait tellement confiance en ce que ça fonctionne. Le jour de la chose, mais après ça, il a été surpris en voyant que la prison avait fait fabriquer une chaise électrique plus grosse pour accommoder une personne de son poids, de sa taille. Donc, dorénavant, si quelqu'un est gros, ben, ils ont une chaise pour. Ça n'a pas fonctionné. Savais-tu que si tu portais un patch, comment t'appelles ça, un patch sur l'œil? Un bandage? Mais tu sais, juste sur un œil, comme un pirate un peu, ouais, si on veut. Ouais. Si tu portes un patch comme ça sur ton œil, tu vas pouvoir voir dans le noir de façon permanente si tu suis les étapes que je vais te dire là, OK? Donc, tu portes un patch sur un œil, OK? Aussitôt que tu sors, que tu es au soleil, qu'il y a un endroit où il y a de la lumière, tu portes un patch sur ton œil, OK? Bon, ouais. Un seul. Le patch toujours sur le même œil. Ensuite, quand il fait noir, tu changes ton patch de côté vers l'œil qui était pas caché avant, OK? Tu vas voir mieux? Ben c'est ça, parce que si tu le fais tout le temps, c'est que tes yeux vont s'habituer. Ils vont s'habituer à la condition de lumière qui vit, si on veut, cet œil-là. Donc, si ton œil est exposé seulement à la noirceur et que l'autre seulement à la clarté, tes yeux vont s'habituer et tu vas mieux voir. C'est pour ça qu'on dit que les pirates portaient des patchs sur leurs yeux pour que ce soit plus facile de transitionner le bateau le jour et à l'intérieur du bateau le soir. Hein? C'est quand même une très, très bonne idée. Il y a plusieurs, évidemment, utilisations pour un patch. Par exemple, traiter des blessures et traiter aussi, on dit qu'on peut traiter l'œil paresseux. Donc, l'œil qui va pas au bon endroit. Là. Quelqu'un qui ment. On connaît tous ça. Quelqu'un qui a ça. Bref, mais c'est ça. On dit que les pirates pouvaient soit utiliser ça pour transitionner ou encore parce qu'ils avaient un œil paresseux. Deux théories. Pendant l'élection en Irak en 2002, Saddam Hussein avait une chanson thème. David, c'était quoi sa chanson thème à Saddam Hussein? En 2002. I will always love you. Ben non. Oui. Ben non. Oui, Whitney Houston, I will always love you, c'était sa chanson thème, je te jure. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Parle d'une autre pas bonne personne. Mettons, en 1939, le neveu d'Hitler Okay. Le neveu n'est pas méchant, là, Hitler l'est. Et justement, son neveu a écrit un article qui s'appelle « Why I hate my uncle », pourquoi je déteste mon oncle. Il est venu aux États-Unis, a servi dans la marine américaine et s'est installé dans le Long Island, le neveu de Hitler. Ah oh, ouais? Porte encore le nom de famille ou? Ah, c'est une bonne question par contre, je sais pas. Je pense pas, hein? Non. Ça doit te bloquer quand... Ça tâche un peu ta vie. Ouais, c'est ça. En date de l'année passée, la fille de Joseph Staline, ce coup-ci. Staline. Donc, Svetlana Staline. Vivait dans un appartement à une seule pièce à Richland Center, Wisconsin. Ça, c'est la fille de Joseph Staline. La Libye. OK, je te pose une autre question. La Libye a la plus grande consommation d'un certain légume dans le monde. Sa plus grande consommation. Quel légume dont les Libyens mangent 66,8 livres par année? C'est pas des patates comme hier. Non, non, non. Un autre légume qui est très, très bon. Avec des champignons. Des oignons. Des oignons. Des oignons. C'est bon, des oignons. C'est bon, des oignons. J'adore ça, pour vrai. Moi aussi, tout à fait. Deux petits derniers. Allons-y avec celui-là. Ah, tiens, si tu es victime d'un éclair, d'un orage, mettons, là, l'éclair te passe dans le corps, là, te passe sur le corps, ça fait une espèce de pattern. On appelle le Lichtenberg figure. Ça ressemble un petit peu à une fleur, si on veut. C'est ça qui apparaît sur ta peau quand t'es exposé à un très, très haut voltage. La forme, en fait, est faite de plusieurs décharges électriques. Et si on zoome dessus en laboratoire, parce qu'on peut recréer ça en laboratoire avec une charge électrique, chaque branche est sous-divisée en d'autres branches. T'sais, on voit ça souvent dans des photos d'un éclair. Tu vois des branches divisées en d'autres branches, divisées en d'autres branches. Ouais. Donc, on dit que quand un être humain se fait frapper par l'éclair, une figure de Lichtenberg, cette affaire-là, peut apparaître sur le corps pendant plusieurs heures ou même plusieurs jours. Les docteurs, la médecine, utilisent ça pour déterminer la cause de la mort pour les victimes qui sont, dans le fond, qui se font attaquer par l'éclair. Dans le fond, ils peuvent déterminer ça par cette figure-là qui apparaît sur leur corps. On dit que c'est causé par des vaisseaux sanguins qui seraient maltraités sous la peau, dans le fond, cassés. OK. Des vaisseaux sanguins cassés, voilà. On appelle ça lightning flowers en anglais, une fleur d'éclair. Si on... Et pour terminer, la matrice, les films La Matrice, ça a été produit par l'inventeur d'un sport que tu connais peut-être et qui rend tout le monde fou sur la planète. On adore ce sport-là. Quand on en parle, c'est comme « Ah, l'ultimate frisbee ». Je me demandais de quel sport tu parlais. Ben, apparemment que c'est lui le créateur de l'ultimate frisbee. Et là, je vais vous enseigner quelque chose de plus sur le ultimate frisbee. Savais-tu que ça a changé de nom? Non. À l'école, ça fait ici, pas longtemps. Non, parce qu'à l'UQTR, je crois que le club s'appelle encore le club d'Ultimate Frisbee. Il y a ça à l'UQTR, là. Il y a ça. Ça s'appelle comment maintenant? Juste le Ultimate. Oh ouais. Pourquoi? Plus de frisbee? Mais non, parce qu'il y a un copyright sur le mot frisbee. C'est ça, là. C'est que les frisbees sont fabriqués par la compagnie Wamo. Et donc, on a décidé de changer de nom pour appeler ça seulement le Ultimate. Et j'avoue que ça a l'air un petit peu moins épais que l'Ultimate Frisbee. Il y a plus de 4,9 millions de joueurs d'Ultimate aux États-Unis. C'est un sport joué avec un disque volant de 175 grammes exactement. L'objectif du jeu est de faire des points en passant le disque à un joueur de l'équipe de la zone opposée, de la end zone opposée, un peu comme du football américain ou du rugby. Les joueurs ne peuvent pas courir avec le disque et ils ne peuvent bouger qu'un seul pied en tenant le disque. C'est du pivotage qu'on appelle. Eh ben. Mais bon, pour revenir à ça, le gars qui a créé le Ultimate, c'est le créateur de The Matrix, Joel Silver, un producteur de films d'action très connu. D'autres films qu'il a produits, 48 Hours, Streets of Fire, les deux premiers Die Hard. Quand même. Oh, avec Bruce Willis. Ben, tout à fait. Les films Lethal Weapon, l'arme fatale. La trilogie de Matrix, V for Vendetta, Speed Racer et les deux premiers Predator. Oh. C'est un gars quand même de films d'action pas mal, là, ça. Voilà, Silver, Joel Silver, qui a inventé le Ultimate pendant qu'il était encore au secondaire. Et un autre petit fait intéressant sur lui, il a fait une apparition spéciale en tant qu'acteur. Donc, il a joué une parodie de lui-même dans Who Framed Roger Rabbit. On apprend des choses. Oui, c'est le résumé de la chronique, c'est un fait un peu. Hein? On apprend des choses. Par le fait même, on apprend des choses. C'est comme ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Replongeons dans le dîner de cons, un certain midi cette semaine. Nous, on va aller avec une petite nouvelle insolite avant de poursuivre en musique dans ce dîner de cons. On va y aller avec ce médecin qui prescrit des sextoys pour lutter contre l'anorexie. contre l'anorexie. Hein? Intéressant. Et je ne sais pas s'il proposait de manger sextoy. Donc, c'est un médecin danois qui passe actuellement devant le juge pour ses méthodes peu banales avec ses patientes. Eh bien, selon le journal Metro Express, ce médecin est accusé d'atteinte aux mœurs. Il forçait alors ses patientes atteintes d'anorexie à utiliser des sextoys et les photographiait nus. Okay. Il se justifie en affirmant que cela les aidait donc à se sentir mieux dans leur peau pour qu'elles acceptent mieux leur corps. Pour ce spécialiste des troubles alimentaires, l'utilisation forcée de vibromasseurs et autres sextoys était parfaitement justifiée pour cette même raison et avait donc devait résoudre leurs problèmes avec la sexualité en plus. Le médecin qui pratiquait au Rig Hospital El Osterbro a utilisé ces techniques sur au moins 5 patientes. Cependant, la police a découvert sur son ordinateur personnel plus de 600 photos de femmes entièrement nues. Mais le médecin a démenti être l'auteur de ces clichés en arguant que l'ordinateur était de seconde main. OK. Et que le disque dur contenait déjà ses photos quand il l'a acheté. Pourquoi ça ne s'est pas supprimé, d'abord? Cependant, 3 patientes ont révélé qu'elles ont été obligées de signer un contrat autorisant le médecin à prendre ses photos dénudées, le déchargeant ainsi de toute poursuite éventuelle devant le juge. Une ancienne patiente a expliqué pourquoi elle avait cédé. Elle voulait vraiment guérir, dit-elle, et elle faisait tout ce que le médecin lui disait de faire. Le médecin risque une peine sévère pour atteinte aux mœurs aggravée par l'ascendant sur les victimes que lui conférait, bien sûr, son métier. Hein, parce qu'il y avait comme une place de pouvoir. Et ces procédures au sein de l'ordre des médecins sont également en cours. Pardon, des procédures sont maintenant en cours contre lui. Et puis des patientes et médecins sont encore contre lui. Des médecins... ce médecin aurait bien du mal à prouver devant la justice qu'il n'a pas profité de la faiblesse de celle qu'il prétendait soigner. Ben oui, puis moi je trouve que ça met sur le tapis un sujet intéressant. On pourrait peut-être arrêter de vénérer des gens simplement à cause de leur titre professionnel. Oui, c'est honorable. Ou à cause qu'il y a un sarrau puis un stéthoscope dans le cou. C'est un peu ça que je voulais dire aussi. Au fond, oui, c'est honorable de réussir avec succès des études de médecine. On sait tous que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est pas là la question. Pis c'est essentiel à notre société, bien sûr. Oui, aussi. Mais le fait est que, l'habit ne fait pas le moine, puis il faut toujours rester vigilant. On le voit avec des nouvelles comme celle-là. Tout à fait. Ça me fait penser à un film qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est genre, ils sont 4-5 malades mentales, là, ils se promènent dans la rue. Puis il y en a un, il se fait passer tout le temps pour un gars brillant parce qu'il y a un sarrau avec... C'est pas avec Christopher Lloyd, l'équipe. C'est vieux, ça, hein? Oui, c'est assez vieux. Je l'ai même jamais vu. J'ai revu, je pense, au Assassin's Creed Pop. J'ai pogné ça, genre de vieux film. Et puis c'est très drôle, justement. Tout le monde le prend au sérieux parce que... Il y a un sarrau, il y a un stéthoscope. Donc, il doit savoir de quoi il parle. Il y a un peu le look médecin, là, d'illuminé scientifique ou je sais pas. Mais non, tout ça pour dire que la vie ne fait pas le moine. Tout à fait. Donc, on va poursuivre en musique avec la pièce Camouflard de la formation Galaxy. On écoute ça direct là.

Ouais, puis tu souhaites bonne fête? Oui, oui, il me souhaite bonne fête. Tu as souhaité bonne fête? Ben oui, à ma demande, j'ai demandé qu'il me souhaite bonne fête. Est-ce qu'il fait autre chose que Twitter pour vrai, par exemple? Non? Il est fort. Il est très fort. C'est officiellement, là, c'est le chef du Parti libéral. Ouais, d'accord. Mais personne ne l'aime au Parti libéral. Ah, c'est ça. Mais pourquoi? Il est trop fort. Il est près aussi de Jean Chrétien. Oui. Très bien. Un chrétianisme du clan Chrétien, et tandis que tous les autres sont du clan Martin, de Paul Martin. Donc, c'est vraiment une petite guerre civile à l'interne. Mais ceux qui sont de l'ère chrétien sont sur le bord de leur retraite ou sont partis. Ça achève. C'est ça. Donc, il reste Denis Coderre, le seul fier brandissant le flambeau de Chrétien. Sur ce, merci beaucoup, François Landry. Ça fait plaisir. Ah, merci. On te retrouve la semaine prochaine, jeudi à 8h30. Oui. Il y a sûrement d'autres démissions au PQ ou quelque chose. Espérons-le. Peut-être Denis Coderre. J'essaye. Bon. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent de la. Eh bien oui, donc on est dans la chronique, hein? Oui, comme tu disais, 25 secondes de pur bonheur, Danny. Désolé, hein? On est, lendemain de veille. Bon, ben, hein, c'est le temps de popper la bière. Ça serait le moment. Alors, attends, je descends le son. On a une belle grosse bière, une belle bière de 750 millilitres. Premièrement, le format est assez intéressant. Alors, j'y vais comme ça. J'aime bien. Type champagne. Oui, exactement. Alors, procède avec cérémonie quand même. Sans problème, on enlève la trame sonore. Attends. Hey, vas-y pas avec tes dents, tu vas en savoir dans la gueule. Non, faut juste. Ils sont raides à ouvrir. Elle va popper. Attends, ben ça, là, s'il y en reste plus. C'est le bon son. Okay. Avant de mettre ça en verre, je vais commencer par vous informer. Lis-nous l'étiquette. Tiens, oui, donc je vous rappelle que c'est la Lager Russe non filtrée Oktoberfest série signature. C'est 4,1% d'alcool. Et on nous dit que c'est une Lager Russe en célébration de l'Oktoberfest des Québécois. Un mélange d'orge maltais québécois et des houblons provenant des meilleures régions de l'Allemagne s'unissent pour nous donner cette bière aux saveurs de caramel, de céréales fraîches et à l'amertume florale délicate. Wow! C'est prometteur. C'est très prometteur. Verse-nous ça, mon gars. Je commence avec... Tu peux te mettre vis-à-vis l'autre micro même, j'ai ouvert si tu veux. Génial. Et donc, première portion. Est-ce que t'aimes les collets? Une bonne mousse, c'est quand même mousse, bien. Une bonne mousse, hein, oui. Une belle couleur. Oui, c'est un roux qui tire un peu sur... pas vraiment filtré en plus. Oui, exactement. Donc, le côté trouble un peu qui donne un côté ambré, miel foncé. Là. Même sirop d'érable, c'est barre au niveau de la couleur, vraiment. Là, si on parle... Oui, ça nous rappelle un peu les Scotch Ale comme look hein, aussi, le look, mais moins forte avec 4,1% d'alcool, oui, et par contre. Comme il parlait d'une amertume florale, j'ai hâte de... De goûter à ça, mais comme Xavier me disait, c'est pas une amertume qui vient déranger. Mais on y va, là. Moi, je goûte. On met la trame un peu pour que ce soit moins plate pour vous. C'est parti. C'est agréable. Très, très agréable. Justement, même s'il y a une certaine amertume, il y a une belle rondeur dans cette bière-là qui va être vraiment bien. Et pourquoi le Oktoberfest québécois, c'est qu'on le fait à nous. Et c'est en fin de semaine, c'est du 9 au 11 septembre. De toute façon, on sait qu'il y a beaucoup d'immigrants allemands installés un peu partout au Canada et au Québec, entre autres. Et je pense que Oktoberfest, on devrait pas trop se faire prier pour fêter cette fête-là. Non, vraiment pas. Et en plus, la bière est tellement rendue populaire ici même au Québec. Je pense que même le Québec, c'est la région dans le monde qui connaît la plus grande croissance là, au niveau du développement des microbrasseries, des importés, puis aussi de l'intérêt et la culture du public. J'aime beaucoup la saveur de céréales fraîches dont on parlait, qui est un peu nuancée par le caramel. C'est une bière qui est très accessible. Oui, très accessible pour découvrir les bières de microbrasserie. Et puis aussi, tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas les bières trop fortes. Nous, on est assez amateurs de bières fortes en alcool. Hey, là, j'ai quasiment le goût de roter, par exemple. Tu sais, avec de la bière. Tu mets ça à la slide du micro. Ouais, mais il va falloir que je sois vite, là. Il n'y a pas de gars là, qui check ça, là. Fait que non, c'est ça. C'est une bonne bière quand même pour débuter dans le genre avec un 4,1%. Ça. Oui, ça, je m'en allais encore dire des gros mots. Hein? C'est la bière, ça. On dirait que tout arrive avec en même temps. Mais aussi, les trois mousquetaires, bon, on sait qu'ils sont installés à Brossard, en banlieue de Montréal. Ils ont toute une gamme de produits. De très bons produits, variés, puis toujours d'une qualité impeccable. C'était la première fois que je goûtais celui-là, ce produit-là en particulier, mais j'ai goûté d'autres de leurs produits, là, comme des bières d'hiver là, ou de glace, là, la Weizenbock. C'est oui. Eux autres qui font ça. Excellent. Et puis, la Doppelbock aussi, qui font, il y en a plusieurs. Oui, j'ai été agréablement surpris à chaque fois. Vraiment. Très bon, les trois mousquetaires. Je vous invite, on va aller écouter une pièce, justement, dans notre segment Bien Pensant. Oui. Une pièce de citron les chiens de tête, justement, qui est le même truc que là. On va y goûter encore. On va la boire pendant la pièce. On va revenir avec d'autres impressions après. Exactement. Donc, on enjoy ça, là. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent de la merde. T'sais, dans la vie, tu peux me parler. Tu peux même m'envoyer. Tu peux me dire que les cheveux longs, c'est même plus à mode. Tu peux me dire, tu mettras jamais ma chérie ton iPod. Tu peux dire ce que tu veux de contre ma mère, mais pas jamais de contre ma bière. Oh non, c'est tout ce qui me reste. Une chose qui est le fun avec ma bière, c'est comme changer à tous les jours de partenaire. Un soir c'est une blonde, la passe c'est une brune, le lendemain c'est une rousse. C'est pas jalouse, elle boque jamais, pis elle fait toujours de la mousse. C'est pas comme ta femme ça, hein? La connais, moi. Pis ceux qui me disent que c'est pas correct de boire, ils peuvent bien tout aller se faire voir. Avec la bière, la vie est un peu moins noire. Avec la bière, bien plus légère. Tu peux me crier des noms, insulter mon père, mais parle jamais de contre ma bière. Voilà. C'est tout ce que j'ai, moi, ma bière, dans la vie. C'est tout ce qu'il me faut. J'ai pas besoin d'un rien d'autre que ça. Tu peux dire ce que tu veux de contre ma mère, mais parle de compter ma pierre. Oh là, c'est tout ce qui me reste. Pis si tu penses que c'est pas réaliste de savoir bien dealer avec mon alcoolisme, oublie jamais mon gars que c'est la meilleure béquille. La bière comprend ça. Et fin, fin, fin, la seule chose que tu peux dire, y'a rien qu'une chose que tu peux dire de contre la bière, mon hein, c'est pas grand chose, mais on va quand même te le dire, mais c'est pour que tu le saches, là, te le dire avant que tu t'aimes quand même. Là. C'est tabarnak, il me reste plus de bière. Yeah! Génial! Merci Citron, merci les chiens de terre. La bière à comprend ça est fin, fin, fin. C'est de la rime, ça. Oui, on est toujours dans notre section bière commanditée par la Barrique. Tout à fait. Et puis, j'allais sur le site des Trois Mousquetaires. Oui! Et puis, on nous dit justement encore une fois l'Octoberfest des Québécois, donc qui va attirer les foules. Ça, c'est bien. Et puis, c'est ça. Ça fait partie des grands crus. Parce que c'est des bières spéciales, c'est pas une bière qui est brassée régulièrement, c'est vraiment un cru spécifiquement pour l'Octoberfest, elle a été brassée pour ça. Très intéressant. Oui, oui, c'est d'ailleurs marqué sur l'étiquette bière officielle du Festival Oktoberfest des Québécois, 6e édition. Ça a lieu à Repentigny du 9 au 11 septembre. Oui, tout à fait. Et vous pouvez aller voir sur oktoberfestdesquébécois.com. Excellent. Donc, tout ça, cette belle bière et puis cette commandite, eh bien, ça vient de où? Ça vient de la barrique, mon cher Danny. Donc, 4170 Boulevard des Forges, direct en face du centre de Rivière. Oui, et puis là, bon, durant la pièce, elle a pu respirer un peu. L'équilibre s'est installé dans nos verres autant que dans nos têtes. Et oui, je trouve que c'est une bière qui se laisse boire. Ça dépasse le stade de dégustation. C'est une bière que moi, je pourrais boire assez facilement là, toute une soirée. Là. Et puis, nous, on la prend à peu près de température pièce en ce moment. En ce moment. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Parce que plus froide, je pense qu'on sentirait plus un peu l'amertume. Peut-être, mais il y a peut-être des gens aussi qui la préféreraient ainsi. Mais je sais que ce genre de bière-là, en général, est plus agréable à boire proche de la température. Proche de la température. Un petit affaire plus fraîche que la température pièce d'habitude. Mais si on lui faisait subir l'ultime test, mon cher. Oh, Danny. le test des tests. Le test des bières. Oui, c'est un sac de chips barbecue. Ça va nous donner le cœur net. Est-ce que cette bière se marie bien? On sait que les chips barbecue, c'est une tradition de l'Oktoberfest aussi. Hein? Une invention allemande des plus authentiques. Oui, donc... Je m'approche. C'est un cuvée. Quelle année, ça? 2011, je pense? Ben, ils sont meilleurs avant, là, en tout cas. Alors, que, oui, bon. Hein. Bouchée de bière. Bouchée de chips. Oui. Le mariage est magnifique. Les deux vont très bien ensemble. C'est surprenant, même. Excellent match. Non, il n'y a rien à redire. La bière passe aussi le test des croustilles. Donc, une bière non seulement dédiée à l'Oktoberfest, mais polyvalente de surcroît. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Ah ben, si t'es prêt, on y va tout de suite, mon cher Simon. C'est à ton tour. C'est la chronique qu'on appelle c'est Phénomène. Celle-là ici, attention, Phénomène Sci-Fi, comme science-fiction, genre. Mm-hmm. Ça, je me demandais s'il fallait pas une formule magique pour te faire arriver, mais t'es déjà arrivé en studio. Hein? Faudrait que tu sois pas là avant ta chronique. Qu'on te fasse apparaître avec un effet spécial. Pouf! Comme Ouh. Sur la chaîne Sci-Fi qui ont du budget pour les effets spéciaux. C'est incroyable. Ah, il y a le film avec les requins, puis les Sharktopus, puis c'est une pieuvre, mais c'est aussi un requin, puis qui attaque du monde. Tu sais, Sci-Fi, la chaîne américaine, ils font des films low budget, vraiment beaucoup, tu sais, avec des animaux différents, puis là, c'est comme rempli de suspense, c'est de thriller et de. C'est beau à voir. C'est toujours très bien. C'est beau et c'est bon? Ah, c'est excellent. Le talent d'acteur là-dedans est super. C'est comme les films qu'on présente sur ZTV le samedi après-midi. Hein. Je crois que c'est exactement ces films-là. Je ouais, probablement, parce que c'est un peu comme le petit frère, un peu mongol de sci-fi. Ben, ZTV, c'est ça, c'est tout et rien en même temps. C'est supposé être un genre d'adaptation de chaîne technologique. Au début, c'était plus vraiment geek et technologique. Ouais, ça s'alignait vers ça. Et là, c'était devenu comme super science-fiction en même temps. C'est aussi gadget, c'est jeux vidéo, c'est on va se tremper les bras dans des affaires de vache. Ouais. C'est quoi cette chaîne-là, sérieusement? Puis Z, il veut dire quoi, le Z de ces temps-ci? T'sais? Z, c'était comme... Le Z, en fait, et je m'inclus là-dedans dans une histoire que j'aime beaucoup. Aux États-Unis, il y avait Tech TV, la chaîne de technologie, qui avant s'appelait ZDTV, ZDTV, qui était pour ZD comme Ziff Davis, les magazines, le site ZDNet, etc. Donc ZTV, au début, était supposé être une version francophone de Tech TV, ZDTV, donc ZTV, ZTV, ZTV. Ouais, effectivement. Genre, hein? Hein? C'est vrai, ça? Puis il y avait même une version adaptée de leurs émissions de Tech TV, mais il est traduit en français. Oui. À la place d'avoir un vrai animateur, c'était une personne en 3D. T'sais, aux États-Unis, l'émission est animée par un humain. Ça s'appelait Extended Play, l'émission de jeux vidéo. Au Québec, c'était animé par une personne 3D. Oh. Ah. Ça s'appelait l'Arcade. Hein? Arcade. Ah oui, oui. Ben, oui. Oui, je me rappelle de ça. Mais c'était le même graphisme, la même émission, tout, le même texte. Mmh. Fait que c'était la chronique Phénomène. Merci, Simon. Merci à toi. Bon, donc aujourd'hui... serait plus courte. Ouais, ben là, c'est de ma faute, là, gars, je m'assure.

Ça va être merveilleux. J'ai très, très hâte d'entendre ça. Pour vrai, Simon, cette année, je sais pas ce que t'as, là. Tu te dépasses, là. Ah, écoute. Mais il était bon l'année passée aussi. C'était toujours bon, toujours. Toujours bon. Ça enlève absolument rien. Quand je complimente quelque chose, ça veut pas dire que ce qu'il y avait avant était mauvais. Non, non, mais on dirait que tu te surprends. Non, mais on dirait qu'il me touche plus qu'avec le rock. Ah. Bon. J'ai le droit. Pas le droit. De pas être un bon. Fonge-toi pas. Non, mais là. Simon. Pas de chicane, les enfants. C'est ça. Non, mais c'est lui qui a commencé, tu l'as bien vu. Ben oui, c'est ma faute, c'est ma faute. Bref, Simon, prends pas mon compliment, puis mange donc la OK, parfait. T'es bon, Simon. Bon. On te retrouve aussi à Album Classique les vendredis matins à 10h. Effectivement. Ça, c'est l'émission qui écoute un album rock au complet. Oui, on présente un album dans son intégralité. Bien souvent, ce sont des albums un peu plus obscurs, des joyaux perdus du rock. Et on va essayer d'avoir une couple d'albums québécois cet automne. Je suis en train de chercher ça, là. Parfait. Intéressant. Album Classique, c'est vendredi 10h. Et puis, ta chronique ou ton segment, ton émission à l'intérieur d'une émission, si on veut. Les éphémérides du rock. Les éphémérides. Les éphémérides. Dans Rock Classique, c'est les vendredis matin à 11h. Mm-hmm. Voilà. Merci, Simon. Ouais, ça fait plaisir. Merci à vous. Le scout des Internet aussi. Hein? Oui, le scout des Internet. Le scout des Internet, le mercredi à midi dans le cadre du dîner de con. On finit par en oublier quand ils sont pas dans le grille horaire. Hein? On pourrait faire une petite case avec ta petite photo qui fait comme « Salut, c'est Simon. » Hello. Hello. et mes compliments restent bons, Colin. Oh, merci. Tu dois te complimenter comme je veux. Ça, pas d'allure, ça. Tu n'as rien dit, là? Ben non! Allons-y, tout de suite. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Ça sera vraisemblablement pas nécessaire. Tu sais, Danny, je me garde toujours une petite recette de pommes de terre de côté pour les moments comme ceux-là où on se retrouve à bafouiller en ondes, mais finalement, c'est dommage, la recette de pommes de terre va aller pour une autre occasion, étant donné que j'ai d'autres sujets plus importants comme ça sur la table en ce moment, entre autres... Aujourd'hui, je vous entretiens de littérature. On sait que c'est important de lire un livre de façon régulière. Je veux dire, il y a des gens comme ça qui, une fois de temps en temps, vont lire un article dans le Reader's Digest en pétant ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est important d'avoir toujours quelque chose en chantier, toujours un roman en chantier. Et c'est pas difficile, vous avez juste à le laisser dans la salle de bain si vous êtes le moindrement... Moi, je me suis remis à mes vieux Rampa, l'Obsang Rampa. Ah, ça, c'est excellent, Danny. C'est génial, c'est du bonbon pour les yeux et le cerveau. D'ailleurs, je vais essayer, je pense, d'en parler au cours de la session. T'es l'Obsang Rampa, qui est un auteur assez mystique quand même, qui décrit des aventures mystérieuses au Tibet, etc. Donc, ouais, je vais m'arranger peut-être pour en glisser un mot. Mais c'est ça, j'ai mis justement en chantier. Mais tu fais bien d'en parler, mon cher Danny. Et sinon, aujourd'hui, je parle de quelque chose d'un peu plus terre-à-terre, mais c'est tout de même pas la terre d'Émile Zola. Non, c'est Au bonheur des dames d'Émile Zola. Et j'avoue que j'ai été vraiment surpris, Danny, par la qualité de l'ouvrage. On voit qu'il y a beaucoup de travail préparatoire derrière cet ouvrage-là. Et d'ailleurs, on pourrait dire qu'Au bonheur des dames est l'histoire d'un grand magasin issu d'une boutique installée depuis le début du siècle rue Neuve-Saint-Augustin à Paris. Sous la direction de son chef Octave Mouret, la boutique a d'abord dévoré le pâté de maison où elle est installée. En 1869, pardon, elle finit par déboucher sur la rue 10 décembre, une des belles rues ouvertes par Haussmann, un entrepreneur, dans le quartier de l'Opéra. Et c'est donc un magasin qui a parti d'une petite boutique et qui a finalement s'est développé de façon monstrueuse jusqu'à donner naissance au premier grand magasin avec le principe de la vente à grand roulement et à capitaux importants. Mais sinon, bon, parlons de M. Zola. Émile Zola, né à Paris le 2 avril 1840 et mort dans la même ville le 29 septembre 1902, était un écrivain et journaliste français considéré comme le chef de file du naturalisme. C'est l'un des romanciers français les plus populaires, l'un des plus publiés, traduit et commenté au monde. Ses romans ont connu de très nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision, notamment Germinal avec Gérard Depardieu, qui est très intéressant. Sa vie et son œuvre ont fait l'objet de nombreuses études historiques. Sur le plan littéraire, il est principalement connu pour les Rougon-Macquart, fresques romanesques en 20 volumes dépeignant la société française sous le Second Empire et qui met en scène la trajectoire de la famille des Rougon-Macquart à travers ses différentes générations et dont chacun des représentants d'une époque et d'une génération particulière fait l'objet d'un roman. C'est une... un processus, une démarche artistique est extrêmement intéressante et qui permet vraiment de prendre le pouls de différents milieux sociaux à l'époque où Émile Zola... Ben, c'est comme si on avait fait un documentaire un peu sur cette époque. Oui, exactement. Parce qu'il est tellement descriptif, Zola. Il décrit tout. Chaque scène. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le nommait chef de file du naturalisme. Et je pense que ces récits sont très importants pour nous permettre de comprendre... Un peu pesant des fois quand même. Dans certains cas, oui. Sauf que dans ce que je vous présente aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était un des points forts. Ça se laissait dévorer plus facilement que... Parce que des fois, c'est quand même assez hermétique. Comme j'avais trouvé la Terre, déjà un petit peu plus difficile à lire et un peu plus, si je peux utiliser l'expression anglophone, dirty. Oui. Tu sais, c'était un peu sale. Ben, c'est la Terre. C'est la Terre. Donc, c'était un peu plus difficile d'accès, je dirais. Tandis qu'au Bonheur des Dames, ça peut être un roman qu'ils font lire aux étudiants en affaires, là, à cause de l'enseignement commercial qu'il y a là-dedans. Mais il reste que n'importe qui, monsieur et madame, tout le monde, vont l'apprécier plus facilement que la plupart des autres ouvrages de monsieur Zola. Parfait. Et donc, les dernières années de sa vie à monsieur Zola sont marquées par son engagement dans l'affaire Dreyfus, qu'on connaît bien, avec la publication en janvier 1898 dans le quotidien L'Aurore de l'article intitulé « J'accuse », qui lui valut un procès pour diffamation et un exil à Londres dans la même année. L'affaire Dreyfus qui, de fil en aiguille, mena à la Première Guerre mondiale. Et pour parler plus spécifiquement du roman « Au bonheur des dames » que j'ai amené aujourd'hui, il faut savoir qu'il a été publié en 1883. C'est le 11e volume de la suite romanesque des Rougon-Macquart. À travers une histoire sentimentale à l'issue inhabituellement heureuse, le roman entraîne le lecteur dans le monde des grands magasins, l'une des innovations du Second Empire. Le modèle du personnage d'Octave Mouret est Auguste Hériot, cofondateur des grands magasins du Louvre. Mais il n'y a pas que les grands magasins du Louvre qui ont influencé M. Zola. Il semblerait aussi que les magasins de La Paix, un autre magasin existant, l'aient influencé et il se soit documenté de ce qui se passait là pour garnir son récit. Et donc, je pourrais peut-être même vous en lire un extrait pour donner une idée du ton du roman. Le ton qui est d'ailleurs, comme je le disais tantôt, beaucoup plus léger que dans d'autres de ses ouvrages, entre autres à cause de l'histoire romanesque là, d'amour de la protagoniste et aussi de l'issue plutôt heureuse du roman. Et donc, voilà, à cette dernière heure, au milieu de cette air surchauffé, les femmes régnaient. Elles avaient pris d'assaut les magasins, elles y campaient comme en pays conquis, ainsi qu'une horde envahissante installée dans la débâcle des marchandises. Les vendeurs, assourdis, brisés, n'étaient plus que leurs choses, dont elles disposaient avec une tyrannie de souveraine. De grosses dames bousculaient le monde, les plus minces tenaient la place, devenaient arrogantes. La clientèle se ruait au buffet dans une rage d'appétit, les mères elles-mêmes s'y gorgeaient de Malaga. 40 000 ballons rouges avaient pris leur envol dans l'air chaud des magasins, toute une nuée de ballons rouges qui flottaient à cette heure d'un bout à l'autre de Paris, portant au ciel le nom du bonheur des dames. Oh. Et c'est bien. Voilà. Oui, c'est bien. Et je vous le suggère, d'ailleurs, si vous avez jamais lu d'Émile Zola, ça peut être un bon point pour commencer. Et aussi, comme j'en parlais tantôt... Il y a vraiment une espèce d'enseignement à tirer de ça. C'est très intéressant de voir l'évolution de la pensée commerciale puis du marché au cours du 19e siècle, passer de la petite boutique au grand magasin, passer du petit roulement des petits capitaux au grand roulement de marchandises, petite marge de profit, mais sur des gros capitaux. Tu dis c'est un bon livre pour les gens en études commerciales. Oui, exactement. Mais autre aussi, exactement. C'est pas réservé juste aux gens là qui capotent sur le commerce, sur les finances, sur les affaires, c'est pas mon cas, puis j'ai adoré. Je pensais que c'était ton cas. Très drôle, Danny. Je pensais que tu voulais t'acheter un Walmart. Magnifique. Oui, d'ailleurs, ça ne saurait tarder. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. À un moment donné, je ramasse des affaires sur Internet. Ouais. J'ai envie d'en parler dans un bloc, mettons, dédié aux choses geeks, mettons. Okay. On pourrait donner un nom, mettons. Là. Collection. Ouais, collection, OK. Trop de lettres. Trop de lettres, OK. C'est pour, en 2011, pour être catchy, il ne faut plus, pas assez de lettres. C'est genre, vraiment pas beaucoup. Enlève les... Collection, non? Non, enlève les syllabes. Toutes les syllabes. Phoenix? OK. Cash.com. Dash.com. Oh! Hey! Huh? Yay! J'ai gagné mon tour de roulette. Oh, ça sonne bien. Donc, CNX, c'est la chronique geek de l'émission Assemblage Rocky et j'ai encore une fois mélangé un paquet de choses pour vous dans un beau petit mash-up total de liens et de choses à aller voir et ou entendre et ou lire. Commençons avec quelque chose de vraiment fascinant selon moi, c'est les dead drops. Est-ce que tu connais les dead drops? Non. Non. Je te réponds, c'est une clé USB, d'accord? Ouais. Dans un mur, dans une ville où tu peux aller brancher ton ordinateur et récupérer des trucs. D'accord? Ouais, c'est bizarre. Beaucoup de virus, non? Ben, c'est ça, exactement. Pas l'idée de la chose, parce que c'est sûr qu'il y en a des malicieux là-dedans, des gens qui sont peut-être pas gentils, qui vont aller mettre des fichiers ben, comme des virus. Mais ce qu'on conseille de faire, dans le fond, c'est de se promener, trouver une dead drop, parce que bon, tu peux utiliser l'application Layers sur l'iPhone et sur d'autres téléphones intelligents pour trouver sur une carte. Tu sais, c'est le truc que tu peux genre regarder dans la ville et puis voir des trucs qui sont superposés sur un calque dessus, comme mettons pour voir les restaurants. Sur ton téléphone, bon, tu vas pouvoir. Il y a un layer pour les dead drops. Donc, tu cherches sur Internet, tu trouves un dead drop, tu t'en vas là, tu mets ton ordinateur avec peut-être un CD Linux, une version de Linux qui est pas changeable, dans le fond, qui va pas toucher à ton disque dur. Donc, tu viens récupérer ces fichiers-là, tu regardes ce qu'il y a dedans, si ça t'intéresse, tu les gardes, tu les mets sur un autre ordi plus normal que tu aurais. Mais tu sais, les gens peuvent partager de la musique là-dessus, peuvent partager des films, des logiciels, n'importe quoi. Donc, n'importe qui peut aller à ce dead drop-là, domper des fichiers dessus. Et puis après ça, quelqu'un va pouvoir y aller. C'est comme l'ultime façon de partager des fichiers underground. Hein? C'est bon, non? Ouais, je comprends pas le principe, mais... Ben, c'est le blogueur Aram Barthol qui a eu cette idée-là, exactement. Donc, c'est une version hors ligne du partage de fichiers, si on veut. Le créateur veut que les gens aillent installer leur propre dead drop. Donc, il y a un fichier à insérer sur la clé USB. Il y a des instructions sur comment ça devrait fonctionner, ce principe-là. Il y a un manifesto, là, un genre de bible du dead drop. Comme tu disais, ben, la sécurité est un gros problème, donc on fait attention peut-être avec un CD de Linux. Ou sinon, peut-être qu'on vous dit aussi de ne pas vous promener avec votre MacBook Pro dans une ruelle sombre. Ouais, ouais, c'est ça. À New York. Viens chercher les données, mon ami. Oui, viens ici, j'ai des bonbons. Donc, les Dead Drops, vous pouvez trouver ça sur deaddrops.com, c'est le site du projet. Et moi, je trouve l'idée vraiment bonne. Ça, c'est populaire? C'est de plus en plus populaire. Un petit peu, tu sais, autant qu'on dit des fois, genre, le géocaching est populaire. Ouais. C'est pas si populaire que ça non plus. C'est petit. Non, c'est ça. C'est une très petite partie de la communauté qui connaît ça. Donc, Dead Drops, c'est peut-être encore plus petit que ça, mais ça va peut-être grossir éventuellement. Parce que l'idée et la façon de propager ça est quand même originale. Donc, ça pourrait être populaire. Toi, ça t'accroche ou? L'idée m'accroche. Je sais pas si je le ferais moi-même, si je partagerais des fichiers ou si j'irais en télécharger, mais juste l'idée en tant que telle, je la trouve intelligente. Oh. Une application sur Android qui s'appelle Dead Drop Droid aussi, si ça vous intéresse. Et puis, on dit que présentement, au moment où l'article a été écrit il y a quelques jours, il y avait 591 places de Dead Drop, donc des clés USB. On vous donne les instructions aussi sur le site, comment mettre la clé USB dans le mur avec un système de tape électrique et de ciment qui dure aussi rapidement. Il y a donc 1782 gigs de storage de place disponible présentement sur ces 591. Mais tu mettrais quoi, toi? Bonne question. Musique? Ou peut-être une collection, peut-être la discothèque de C'est fou, non. Non. Tu vas être là longtemps? Ouais, c'est ça. Je sais pas. C'est dur à dire parce que j'avoue qu'être illégal, tu sais, c'est le fun. Non, mais tu mets pas ton CV, tu mets pas tes fichiers Word. Je mettrais des affaires fuckées. T'sais, mettons, si j'étais un artiste, mettons, de vidéo, fait des affaires vraiment cool, tu sais, qui expose des vidéos dans ses gigs. Peut-être, ouais, j'en mettrais une batch là-dessus, ouais. Avec mon nom, peut-être. Puis là, les gens, ce serait comme. Oups, c'est bouche à oreille. Ouais. Je sais pas. Ouais, non, t'as raison. Je sais pas. Voilà, donc les Dead Drops, c'est sur deaddrops.com si ça vous intéresse. Le lien est sur assemblagerequis.com, évidemment. Prochain article, date un peu. Ça fait peut-être 3 semaines de ça, mais moi, en tout cas, ça m'a vraiment fasciné encore une fois. C'est Split Family Faces. C'est le photographe Ulrich Colette qui a créé un projet vraiment, vraiment cool. Il explore, dit-il, les similarités génétiques entre différents membres de la même famille. Donc, il sépare les faces des gens en deux. OK, il raboute les autres. Il raboute les autres, exactement. Donc, d'un côté, tu pourrais avoir, mettons, Justine, 29 ans, et son frère, son cousin Ulrich, 29 ans. Même âge, okay. Cousin-cousine, tu regardes leur face, et Colin, c'est la même face, mais avec une barbe, tu sais. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment génial. Ça, des exemples, on peut en trouver sur Assemblage Requis. Ouais. Toujours sur assemblagerequis.com, dans la section CNX de l'émission du mercredi 7 septembre. On va voir ça tout de suite. Vas-y tout de suite. Et suis-moi parce que, regarde ça, Francine, 56 ans, et sa fille, Catherine, 23 ans, même face, un petit peu plus descendue d'un bord que de l'autre, c'est mettons, avec le temps. Oui, je m'en vais. Celles qui sont évidemment les plus fascinantes, et tu seras pas surpris, et tu seras peut-être même aussi perturbé que ça, pardon, que moi. C'est des sœurs jumelles, évidemment, du même âge, on s'entend là-dessus. Ah, c'est joli. Sinon, des sœurs bien normales de 23 et de 29 ans, Catherine et Veronica. Allez voir ça, c'est fascinant. Ouais, vraiment fascinant. C'est Split Family Faces. Le lien sur assemblagerequis.com et il n'y a pas des tonnes et des tonnes de photos. Il y en a peut-être, je sais pas, une quinzaine. Mais ça passe très, très, très bien pour moi, ce petit projet-là. Ensuite, ça, François, tu vas adorer cette invention-là, j'en suis certain. Tu t'es toujours dit, bon, je regarde un film à la télé, il me semble que l'écran n'est pas assez proche. Là, tu t'approches, là, alors, soudainement, oh, j'ai mal aux yeux, tu sais, genre. Ton écran n'est jamais assez grand. Ouais. Et là, tu t'es dit, ben pourquoi qu'ils inventent donc pas des lunettes que tu pourrais te foutre d'en face puis tu aurais comme un écran de cinéma d'en face? Tu t'es toujours dit ça? Non. Quand même. C'est normal ou? Ben, bof. Donc, c'est le TV Hat. Le TV Hat qui est un chapeau, une casquette. Mais là, c'est que quand tu regardes l'info publicité, que je ne ferai pas jouer parce qu'il est en anglais, vous ne comprendrez rien, mais ils vous disent, mais vous voulez écouter votre iPod ou votre iPhone sur grand écran? Donc, l'idée, c'est que tu branches ton iPhone dans une petite pochette de plastique, OK, dans la casquette, avec tes écouteurs. Tu mets ça sur ta tête, puis ça a l'air d'un écran de cinéma, OK? Mais c'est juste pour votre iPod puis votre iPhone, là. Puis il faut que tu le regardes sur le côté, donc tu peux même pas utiliser ton iPhone comme tu l'utiliserais normalement, et tu peux même pas toucher à l'écran de ton iPhone parce qu'il est dans sa pochette, t'sais. Fait qu'il faut que tu partes ton film, tu fous ça dans l'affaire, tu regardes ça, tu viens de rater les 5 premières minutes. C'est vraiment j'adore ça. Puis quand tu regardes l'info publicité, t'es certain que c'est une parodie. Certain. Ah ouais? Mais c'est vrai. Vous pouvez aller sur buytvhatnow.com et là, il vous montre un gars en train de regarder des vidéoclips, des vidéos de gars en train de se péter à la gueule en skateboard. T'sais. Le gars, il est couché dans son lit. Là. Puis c'est ce qu'il fait. Là. Regarde ça. Il regarde des vidéos de chats, là. T'sais, mettons. C'est n'importe quoi. J'adore ça. Le TV Hat. C'est malade. Malade, malade. Toujours dans la chronique CNX, la chronique la plus geek de la radio. Passons à des photographies stéréoscopiques twitchy. Est-ce que tu connais le terme twitchy? Non. C'est des photos en simili 3D. Tu sais, quand tu regardes, mettons, une 3DS ou un film en 3D sur une télé, tu vas voir de la vraie 3D dans le sens que ça te rentre d'en face. T'sais. Ou encore, dans le cas de la 3DS, ça rentre à l'intérieur de la console. T'sais. C'est le genre de deux façons de voir le 3D. Ici, c'est une façon de voir du 3D, OK, premièrement sans lunettes comme la 3DS, OK? Sans aucun écran spécial. Rien pantoute. Tu vas sur assemblagerequis.com, tu cliques sur le lien qui s'appelle 12 Twitchy Stereoscopic Photographs. Là. 12 papas, quoi. Et puis, tu vas voir, c'est des photos GIF animées, OK? Donc, le gars prend des photos pour créer un effet 3D, mais à la place d'y mettre une par-dessus l'autre, comme on ferait avec du vrai 3D, va créer un GIF animé. Donc, la photo a l'air de bouger, mais juste un tout petit peu, de genre 1 ou 2 mm. Ouais, je le vois, là. C'est hot? C'est vraiment, vraiment hot. Ouais. C'est vraiment le fun, j'adore ça. On peut voir, là, par exemple, des flocons de neige. T'as vraiment l'impression qu'ils sont devant la personne à cause de la façon que la photo bouge. Un gars en train de faire du skate, peut-être qu'on pourrait le mettre dans le TV Hat, ce gif-là, sur ton iPod. Ce serait vraiment génial. T'aurais l'impression d'avoir un skate qui te vibre d'en face. J'aime ça. C'est super. Donc, c'est sur assemblagerequis.com. C'est des Twitchy Stereoscopic Photographs. La technologie est vraiment bonne là-dessus. C'est très cool. Oui. Prochain site, un peu le même genre, gif.tv. Simple comme ça à retenir, gif.tv, gif.tv, c'est littéralement une télévision qu'on voit sur la page web. Et là, on peut changer de poste avec le bouton de channel. Et c'est juste des gifs animés de films, de TV, de n'importe quoi. C'est vraiment juste des gifs animés, mais dans une TV. Donc, c'est le fun. T'sais? Donc, non? Et calme que c'est beau. Ah, un accident de char. Ah, un accident de char avec une moto. Ah, ben calme, il faut être chanceux pour tomber sur des bonnes chaînes une fois de temps en temps. Mais allez voir ça, gif.tv. T'es allé... Hop, j'ai fait un gros... Bam! T'es allé sur le nouveau site de Zone Campus, zonecampus.ca, tu l'adores. Oui. Tu capotes, t'es comme, wow, je partage des affaires sur Facebook. Wow! Mais tu détestes le fait que le webmestre de merde qu'on a engagé pour Zone Campus... Ouais, ben, il était pas cher. C'est pas cher. Donc, ouais, sans blague. Donc, il a ajouté des boutons partagés en bas de chaque article. Tu sais, tu vas sur Internet, tu vois tous les bons partagés. Ouais. Bon, tu vas pouvoir partager ça sur Facebook, sur Twitter. Tu sais, c'est le fun. C'est bien beau, c'est bien le fun. Là. Premièrement, tu t'en sers pas souvent. Non. Non. Deuxièmement, ça prend de la bombe passante, ça prend du temps à charger la page. Elle est plus longue à charger parce qu'il faut qu'elle aille sur le site de Twitter de chercher le lien. C'est ça. Donc, il y a une extension pour Firefox qui s'appelle Wallflower, okay, qui va te permettre d'enlever et de bloquer ces boutons-là sur les sites. Ça, c'était une très bonne idée, ça, sur Firefox seulement. Donc, vous installez ça. Pour que ça se load plus vite. Ça se load plus vite. Votre vie va être accélérée de au moins une seconde par page. Donc, imaginez fois le nombre de pages que vous visitez par jour. Mais quelqu'un qui poste rien sur Facebook, Twitter, c'est merveilleux. Ben, exactement, parce que t'en as pas besoin de ces boutons-là. Non. Pourquoi perdre ton temps à les charger? Il y a aussi une autre application. Vous connaissez sûrement Adblock. Si vous utilisez Firefox ou Chrome, vous utilisez certainement, j'espère pour vous autres, Adblock, qui enlève les pubs, c'est ça, mais oui. Évidemment, vous enlevez l'option pour le site de C'est Fou, disons, Campus. Vous laissez les pour casser quand même nos clients, non? Mais Adblock vous permet d'ajouter une petite liste de subscriptions, des enregistrements, qui s'appelle Antisocial. C'est une petite liste que tu peux télécharger et ajouter à Adblock. Va aussi bloquer. Donc ça, peut faire la job aussi. Les deux. Donc vous avez vraiment plein de choix pour enlever les petits boutons gossants. Celui-là est un petit peu déprimant, mais c'est certainement mes sites préférés depuis plusieurs années. Je sais pas si t'avais déjà vu qu'à la télé, certaines chaînes comme la chaîne de nouvelles continue MSNBC depuis les dernières années, le 11 septembre, ils rediffusaient à partir de tôt le matin jusqu'à assez tard dans la journée, ils rediffusaient exactement ce qu'NBC diffusait le 11 septembre pendant les attaques terroristes, OK? Donc, pendant combien de temps? Pendant plusieurs heures, ils rediffusaient le Today Show, qui est comme le genre de salut bonjour de NBC. Sur MSNBC, la chaîne de nouvelles, ils rediffusent le bloc au complet de l'émission Salut bonjour, genre le Today Show, du début jusqu'à tard dans la journée, exactement tel que c'était le 11 septembre 2001. Il n'y avait pas de pause, rien, donc c'est vraiment en continu, l'attaque qui arrive, les réactions des animateurs, les journalistes sur le terrain. OK, ils ont diffusé ça pendant combien de temps? Au moins 5 ans à chaque année. Ouais, à chaque année, c'est vraiment la tradition sur cette chaîne. Okay, cette année, je crois qu'ils le font pas. Mais bref, tout ça pour en venir, c'est pas exactement de ça que je vous parle, mais c'est le même principe. C'est sur le site qui s'appelle, c'est une sous-section du site archive.org, du collèarchive.org, qui est la place où tu peux aller voir un site tel qu'il était en 95, mettons, peut-être 97, mettons, un site tel qu'il était dans le temps, mettons, Musique Plus, tu sais, leur beau site avec des gifs animés, c'était parfait. Mais archive.org, /détails, au pluriel, /911, comme le 11 septembre, c'est Understanding 9/11, a Television News Archive. Donc, tu peux en savoir plus sur la collection, sur la première page. Et ensuite, là, tu peux plonger dans mardi le 11 septembre. Je clique sur le bouton mardi le 11 septembre. Il y a des captures d'écran qui arrivent et c'est divisé par chaîne. Donc, à l'horizontale, tu as, mettons, BBC, CNN, je sais pas, des chaînes que je connaîtrais là-dedans, CBS, Fox, plein d'affaires comme ça. Et à la verticale, ça y va par heure. Donc, tu peux aller cliquer sur la chaîne que tu veux à l'heure que tu veux pour voir l'extrait de comment c'était le 11 septembre à ce moment-là exactement. Et après ça, tu peux continuer une fois que l'attaque a eu lieu et l'analyse qui a suivi. Tu vas au 12 septembre, 13, 14, 15, 16, 17. Et encore là, il y a plein d'affaires qui se passent, des révélations qui ont été révélées, on sent. Pendant les prochains jours, et tu peux vraiment choisir par chaîne. C'est extrêmement bien fait, c'est bien construit. Tu peux pas te tromper, hein? C'est vraiment parfait. C'est Understanding 9/11 sur archive.org/détails/911. Le lien sur assemblagerequis.com. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a fasciné. Juste d'écouter l'émission, comme je te disais, le matin du 11 septembre. Ouais. Je trouvais ça fascinant de voir ça. Et c'est fou, qu'est-ce que tu faisais cette journée-là, toi? Tu te rappelles-tu? Ou? J'étais au travail. J'étais ici? Non, c'était pas mal avant ici. C'était 3 ans avant. Je travaillais pour... j'étais dans un groupe de... Pour trouver un emploi, là, genre sprint ou peu importe, là, quelque chose du genre. Et puis on était à Moisson-Mauricie ce jour-là. Triais des fruits pourris, c'était la meilleure journée de ma vie. Triais des fruits pourris, c'était magique là, comme moment. Mais bon, après ça, ben c'est ça, il est arrivé ça, puis tout le monde en parlait. C'est juste ça. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou. On se rappelle que où est-ce qu'on était cette journée-là? Ouais. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est quelque chose, en effet. 9/11 Television News Archive. Oubliez pas d'aller voir ça, c'est facile. Un autre livre. Livre, celui-là. Ça aurait pu être un blog aussi, mais peu importe. Il y a des photos sur l'article quand même, même si c'est un livre. Tu te rappelles, il y a quelques mois, j'avais parlé du fait que j'étais un petit peu obsessif-compulsif sur comment placer les affaires dans ma vie, tu sais. Genre, ces affaires doivent être droites quand je peux, tu sais. Bon. Dépendant, mais bon. Surtout sur mon ordinateur, mais bon. Donc, je vais parler d'un blog qui plaçait des affaires sur une table droitement. T'sais. Bon, c'est une extension de ça. Le livre ici, c'est le comédien et artiste Ursus Werli. Ok. Werli qui prend des photos lui-même d'affaires différentes, comme par exemple un bol de fruits. Et après ça, va replacer les fruits en ordre. Donc, va mettre le bol à l'envers, la cuillère droite, les pêches bien droites, les kiwis très droits, les nectarines, les bananes, tout en rangée. Ou encore, il va prendre un bol de soupe avec des chiffres et des lettres dedans et va prendre son bol en photo aussi avec un tout petit peu de bouillon et remettre les lettres, toutes les A, toutes les B, toutes les C. Ça donne quelque chose de visuellement vraiment bizarre. T'sais. C'est comme, tu crois pas que quelqu'un a vraiment fait ça. Mettons une photo d'un parc avec des gens, des parasols, des serviettes. Il va tout remettre ça, genre tous les parasols, dans l'ordre de couleur et l'ordre de forme. C'est le fun. Je trouve ça cool. L'idée est bonne. Donc, c'est l'artiste et comédien Ursus Werli. Et d'ailleurs, si ce gars-là vous intéresse, il a fait un autre livre qui s'appelle « Tidying Up Art ». Où il prend des photos de vraies œuvres artistiques, des peintures, et il va les nettoyer. Je sais pas si c'est des vraies peintures, parce que le gars, il leur fait tellement bien que c'est peut-être des peintures qu'il a fait lui-même, mais bon. Donc, mettons, il y a une chambre avec plein d'affaires partout, il va ranger toutes tes affaires en dessous du lit, tu sais. Que tu vois ça sur l'image, c'est vraiment super bien. C'est Ursus Werli, voilà. On va passer aux dernières affaires, puis on va écouter une pièce à la fin, OK? Le projet... Ici, ma collègue commence à être longue, j'avais pas vu ça. Non, c'est pas grave, c'est intéressant. OK, un cadre, OK? Le Kodak Pulse Digital Photo Frame. C'est un cadre de la compagnie Kodak, OK? OK. Qui permet d'envoyer des photos directement par courriel au cadre, OK? Donc, t'envoies un courriel d'une photo au cadre. Donc, la semaine dernière, Trippin113 et sa femme ont demandé à Reddit, aux utilisateurs de Reddit, qui est un site où les gens partagent des nouvelles, d'envoyer des photos sur leur cadre Kodak, OK? Donc, ils en ont reçu je sais pas, est-ce que c'est 2600? Après 2 minutes, OK? Après 2 minutes, les photos ont commencé à arriver. Ça fait la première page du site. Ils ont ramassé plus de 2600 commentaires et 10 258 votes. Donc, il a pris les photos, il les a envoyées sur son truc. Et il a pris des photos, et les a envoyées sur Reddit pour montrer aux gens de quoi ça avait l'air. Donc, si le projet vous intéresse, jusqu'à maintenant, il y a 3941 photos, voilà. Sur ce cadre, Kodak Pulse Digital Photo Frame. Quelle bonne idée. Tantôt, on parlait de photos Twitchy. Un peu le même genre, mais c'est des cinémagraphes qu'on appelle. Donc, ce que c'est qu'on prend des photos d'un film et on fait un GIF animé, mais de seulement une certaine partie de la photo. L'idée des cinémagraphes, c'est que seulement une partie de la photo bouge. Donc, mettons, dans The Shining, tu te rappelles dans The Shining, le gars, il est super épeurant. Hein? The Shining. C'est Jack Nicholson qui joue là-dedans. Okay, oui. Okay. Il fait un move ses yeux, OK? Juste de ses yeux. Donc, dans le cinémagraphe, seulement ses yeux bougent et après ça, il cogne, mais indépendamment de ses yeux. C'est comme les deux parties de la photo bougent indépendamment. C'est ça le principe du cinémagraphe. Et si vous allez sur le site iwdrm.tumblr.com, il y en a plein de différents films. Par exemple, Blow Up, il y a Westworld, tous des films que je connais pas, mais Full Metal Jacket de 87. Donc, seulement des parties de photos qui bougent, alors que le reste de la photo reste, et c'est très étrange, complètement immobile. J'aime mieux les autres. Ouais, moi aussi. Stéréoscopique. C'était Twitchy Stereophonic, je crois. Twitchy Stereoscopic. Stereoscopic, t'as raison. Bon, d'accord. C'est très beau. Allez voir ça. Sur Assemblage Requis. Tout à fait. Et pour terminer, petit extrait musical ici. Tu te rappelles peut-être... je sais pas si je vais le trouver rapidement comme ça, l'original. Il me semble que ce serait encore meilleur. OK, ouais, c'est ça. Le Nyan Cat, est-ce que ça dit quelque chose? Quoi? Nyan Cat, c'est le petit chat avec qui pète un arc-en-ciel, le petit chat rose là, qui ressemble à une Pop-Tart là. Non. Qui est dans un ciel puis qui pète une. C'est ça, là, tout le monde connaît ça là, à part toi. Là. Non, c'est pas blague. Non? Non. Ça dit toujours rien? Non. OK. En tout cas, ça a fait fureur un petit peu cet été. OK. Il y a eu plein de remixes de ça. Plein, beaucoup trop, en fait, beaucoup trop de remix, tellement que le monde est vraiment tanné de l'entendre. C'est la même boucle pendant comme 3 minutes 30. Là. C'est gna gna gna gna gna pas mal. Mais, si on l'arrête ici, il y a un gars qui a fait la chanson thème de Nyan Cat qu'on vient d'entendre là, sur une ocarina qui est l'instrument qu'on utilise dans Zelda. Zelda, exactement. Et on peut acheter une vraie ocarina faite par une vraie compagnie. Ah ouais? Donc le gars a pris 2 mois pour étudier la chanson de Nyan Cat et on va aller l'écouter. sur une genre de flûte, là. On s'entend, c'est une ocarina, c'est une petite flûte qui rentre dans une main toute petite, là. Est-ce que c'est fait en bois? Dans Zelda, on va dire. Je crois que l'impression. Je suis pas certain, c'est une excellente question. Je sais que dans Nintendo Power, dans le temps, dans le magazine que j'achetais, il y avait tout le temps des publicités pour acheter une ocarina. J'ai toujours trouvé que c'est donc bien cool qu'on puisse acheter une ocarina. C'est le fun. Ah, en passant, c'est quoi? J'avais lu que l'ocarina, la flûte dans Mario 3, là. Tu sais, que tu peux te transporter d'un monde à l'autre, ouais. Fait le même bruit qu'une ocarina. Parce que le même créateur que Zelda, que Mario. Oh. Ah! Eh ben. Donc, Nyan 4 sur l'ocarina, allez voir la vidéo et tout plein d'autres liens, ceux de la chronique d'aujourd'hui, sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission du mercredi 7 septembre. Pour l'instant, on va aller entendre une pièce de OK Go, une autre affaire d'Internet, là, juste parce que ça me tente. Là. OK Go, c'est un nouveau vidéoclip. Oui, pour la chanson des Mopettes. Et vu qu'on l'a pas encore fait jouer, je sais que ça date, de, mais bon, on peut la faire jouer. Elle est bonne. Allons-y. Elle n'est pas aussi bonne que la vraie des Mopettes. Non. T'aimes bien OK Go? Oui, et j'aime bien les Mopettes, pour vrai. J'aime vraiment ça. Le Mopette Show, dans le temps qu'il y a la famille. Là. Oh oui. Oh. Avec Billy Crystal et tout plein de vedettes des années 80. Cet assemblage requis restait dans l'œuvre. Go on the Muppets. That sounds pretty exciting. Hmm. Let's watch cat videos. Yeah. Oh. So now let's get it started. Why don't we get it started? It's time to get things started on most sensational, inspirational, celebrational, Muppetational. This is what we call the Muppet Show. Inspirational, celebrational, confrontational. This is what we call the Muppet Show. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Up in Smoke, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est un film des plus stoner. Ce que je veux dire là, par stoner movie, c'est un film de pété. Là. C'est des gens là, qui consomment des substances illicites. Des substances illicites, des stupéfiants et qui vivent toutes sortes d'aventures rocambolesques à cause de ça. Exact, c'est pas le côté... Drogue bad trippant. C'est non. Le côté le fun. Premièrement. Deuxième des choses, je veux préciser en partant, avant de commencer, que je fais pas cette chronique-là pour faire la promotion de la drogue. Non, je fais la promotion des films que je trouve amusants. Rien de plus. Ils sont drôles. Rien de moins, exactement. Ce sont des comédies humoristiques. Et donc, Up in Smoke, un film qui en français a été nommé Faut trouver le joint. C'est un film humoristique américain réalisé par Lou Adler et c'est sorti en 1978. C'est le premier long métrage mettant en vedette le duo Cheech et Chong qui tient le rôle principal. Et là, deux fumeurs de cannabis vont vivre des aventures extraordinaires. D'ailleurs, le film a eu un immense succès au point qu'après ça, plusieurs autres films mettant en vedette le duo ont sorti. Des succès commerciaux. Ouais, oui, exactement. Ouais. Il y a eu. Ça joue dans les cinémas, ça. Il y a eu environ 6 films, un après les autres, qui sont sortis, en plus de toutes leurs apparitions. Et puis, tu m'apprenais qu'il s'en préparait un nouveau. Oui. Exactement. Up in Smoke 2, la suite de leur premier film, va paraître cette année en 2011. La même, cette année aussi, il va avoir le dessin animé de Cheech et Chong, un long métrage. Et j'ai vu un preview. Vous pouvez aussi aller le voir sur leur site web, leur site officiel qui est cheechandchong.com, si je me souviens bien. Et j'ai trouvé qu'il avait vraiment bien réussi à croquer l'esthétique là, de Cheech et Chong, là, autant au niveau là, du lowrider, des personnages un peu retard, la trame sonore. Un peu retard. vraiment, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment réussi à mettre en dessin animé de façon honnête ce duo d'humour que j'affectionne, parce que mes attentes étaient extrêmement élevées. Et je trouve ça aussi intéressant de voir un renouveau de Cheech et Chong. Je veux dire, c'est devenu culte, les gens déterrent ça, Cheech et Chong ne sont pas dupes, ils ont décidé de remettre ça sur le tapis. On doit être rendu à peu près la troisième génération qui écoute les Cheech et Chong. Non, mais les enfants des enfants là, qui commencent à écouter les films. Là. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, c'était paru en 1978 et c'est un film qui est tout à fait de son époque. On voit vraiment le... C'est un beau cliché de cette époque-là, surtout dans le monde de la contre-culture, comme on disait. Là. Oui, exactement. Et on voit plusieurs types de contre-culture illustrées dans leur film. Par exemple, à la fin du film, ils participent à un Battle of the Band, une bataille des bands. Et là, la plupart des bands étaient punk à cette époque-là, à cause que c'était la première vague de punk à la fin des années 70. 77, 78. Mais bon, là. Tu vois qu'il y a encore un peu des relents de la première vague de hard rock, heavy metal traditionnel. Là, par ça, je voulais désigner Kiss et les rejetons de Led Zeppelin et ce genre de choses-là. On voit que ça traîne encore un peu dans les parages comme émotion esthétique. Les trucs comme Aerosmith aussi, entre autres. Et puis, il y a ça, mais il y a aussi de voir comme le côté motard un peu, tu sais, de Cheech qui, dans le premier film, mettons, est hippie, mais qui s'en va tranquillement devenir un motard. Et on était vraiment, on quittait cette espèce de buzz hippie pour s'en aller vers... Buzz plus rock. Un buzz plus rock, un peu plus hard, j'ai l'impression. Et c'est vraiment comme un film qui croque un chaînon manquant de notre culture, vraiment un point d'orgue entre deux éléments fixés dans le temps. Et ça, c'est extrêmement intéressant et extrêmement aussi, comment je peux dire ça, pertinent au niveau anthropologique. C'est vraiment un croquis de notre société à cette époque-là. Et ça, c'est un des grands points forts du film. Et puis, il faut savoir que au box-office, le film a engrangé 44 millions de dollars que le film a engrangé. J'étais perdu dans les décimales. Et ce qui en fait le 8e plus gros film de l'année 1978. Et le 12e, pardon. Mais ce fut la plus grosse comédie de cette année-là. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire pour un film de pété, là, si je peux dire ça comme ça. Et puis, une des choses qui est très intéressante du film, c'est définitivement son caractère psychédélique. Là, il ne s'agit pas de fumer un simple joint, là, puis après ça, on part entendre un pétoman ou toutes sortes de choses qui nous servent dans les films d'ados de nos jours. Non, il y a vraiment une espèce de constante dans l'espèce de mood, de party, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a vraiment, tout le long du film, on arrive à maintenir cette espèce de fun, de sentiment jovial, de fête. C'est très festif comme film. Et il n'y a aucun moment où est-ce qu'il y a un creux et ça nous laisse à plat. Et ça monte constamment jusqu'à la fin pour exploser en un climax de plaisir. Donc, tout le long du film, c'est une généreuse montée vers le paradis. Merci, Charles-André Lambert. Ça me fait plaisir. C'est merveilleux. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou.